On est online ce soir pour le premier live radio du RCC. On est super content de vous présenter ce format-là, qui est donc live sur notre site web. On a déjà un grand merci au studio Bounce qui a pu mettre tout le setup en place, et également à Pierre Levaillant qui nous a permis donc de pouvoir réaliser ce live radio. On est super content en tout cas de faire ça, et il y aura plein d'autres formats qui vont venir, donc on espère en tout cas que vous allez kiffer. Nous, on va se régaler pour vous présenter un petit peu le programme ce week-end. Donc il y a le MOE, Marseille Outdoor Experience, un urban trail dans la ville de Marseille avec plusieurs distances, un 5 km, un 12 et un 21. Et donc à l'occasion de cet urban trail, on a décidé d'organiser une petite live radio ce soir. Dans les différents participants, on va accueillir en premier lieu Pierre Alexis, qui est le fondateur de la course Marseille Outdoor Experience, qui viendra nous parler voilà, du déroulement de la course et comment il a eu toutes ses idées. Ensuite, on accueillera Benjamin Pelapra et Laurie Sico, donc deux runners bien connus au club, qui ont gagné l'édition du 12 km l'année dernière, donc lors de la première édition. Donc ils viendront nous raconter un peu comment être un champion, tout simplement, en fait. Donc voilà, et en troisième partie, donc, j'aurai l'occasion, moi, de pouvoir parler avec Adam du Running Club Arbat sur toute la partie Community Crew. Ensuite, on accueillera Alex du Shop Saison à Marseille, qui viendra également nous parler de l'OM, de la culture marseillaise et de la relation entre le lifestyle et le running aujourd'hui. Et on clôturera avec notre spécial guest ce soir, le vainqueur de la Diagonale des Fous 2025, Baptiste Chassagne. Donc voilà, gros programme pour pouvoir gérer un peu cette web radio. On a invité Alexis Rosset en tant que speaker qui animera donc toute cette web radio et qui prendra la parole d'ici quelques minutes. Bon, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content de tout ce setup-là. On va passer un bon week-end et une très belle soirée, je pense. N'hésitez pas, vous pouvez nous écrire directement sur Instagram si vous voulez poser des questions également. Donc, on aura peut-être potentiellement l'occasion d'y répondre si on a quelques minutes. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui ont réussi et qui ont œuvré pour mettre ça en place. Et on attend de suite Alexis qui vienne reprendre la parole. Je vous coûte deux petites minutes, j'enlève mon pull et je reviens. Hola, hola. Ça y est, on est de retour. Après cette petite pause musicale, on va commencer sans plus attendre avec notre premier interlocuteur. J'accueille Pierre-Alexis. Pierre-Alexis, comment tu vas ? Très bien, toi ? Ça va. Tu peux te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas ? Très bien. Moi, c'est Pierre-Alexis. Je suis l'organisateur, le co-organisateur du MOE, Marseille Outdoor Experience, le trail urbain sur Marseille. Ok, nice. Et explique-nous un petit peu l'histoire du MOE. Comment tu as eu cette idée-là et comment tu as fait pour la mettre en place ? La mettre en place, ça a été compliqué. L'idée, elle est venue, je pense, il y a 3 ans, avec Sébastien Pinchon, mon associé. L'idée, c'était d'offrir une compétition sportive sur Marseille, faire découvrir cette ville qui est absolument magnifique. Et on a bossé le projet pendant plus de 2 ans. On a rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cru au projet. Et finalement, après 2 ans de boulot, on a un MOE qui sort avec 2300 participants. Une très belle expérience, 0 problème, ce qui nous amène sur cette deuxième très belle édition. Ok, donc là, on est sur la 2e édition cette année. Combien de participants par rapport à l'année dernière ? On fait plus du double. On est à 5300 participants là ce soir. On est sold out sur le 12. Il reste une 20aine de places sur le 5 et une 50aine sur le 21. Ok, bon, on peut déjà te dire félicitations en tout cas pour avoir permis à Marseille d'accueillir une seconde course. Moi, j'y ai participé l'année dernière. T'as kiffé ? D'ailleurs, j'ai bien kiffé, ouais. Effectivement, j'ai bien kiffé. J'étais sur le format du 21 km. J'y reparticipe cette année, tu vois, cool. Je tourne. Donc, sympa. Donc c'est plutôt sympa comme course. Et tout à l'heure, tu le disais, c'est une course un peu particulière. Il est vrai que, voilà, on passe par différents endroits dans Marseille. Comment t'as choisi, toi, le parcours ? Et comment tu as créé, en gros, ce parcours-là ? L'idée, si tu veux, c'était de sortir un peu des sentiers battus, de sortir un peu de ces courses traditionnelles qui se font comme les 10 km, les 21 km, où l'idée, c'est d'aligner des bornes, faire de la perf, faire un chrono. Là, si tu veux, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rejoindre un peu tous les spots emblématiques de la ville et de pouvoir les relier, ce qui nous amène en fait à ces 2 parcours initiaux qui sont le 12 et qui sont le 25 km. L'idée, pour le participant, il est avant tout sur l'expérience immersive, sur l'expérience touristique. On a envie de donner, si tu veux, aux participants de découvrir la ville, découvrir ces spots qui sont méconnus du grand public, mais qui sont également méconnus du Marseillais. Ok, nice. Comme tu dis, c'est une expérience assez immersive. Pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent et tout le monde en sent de l'autre côté de son écran, on passe par quel lieu exactement à Marseille, ce qui rend vraiment la course emblématique, comme tu dis ? On va passer par un grand nombre de lieux, voire quasiment l'ensemble des lieux emblématiques. On fait un départ de la corniche Kennedy, qui est vraiment le spot sur Marseille, avec un départ vue mer. Et en plus de ça, avec le soleil qui va se lever sur les îles du Frioul, c'est complètement dingue. C'est une super expérience. Ensuite, on part sur le petit port de Malmousque, petit quartier de Malmousque. Le petit port, on fait Passeda, on monte sur Notre-Dame, on passe devant Opéra, Préfecture, Courjus, la Major, le Panier. Enfin voilà, l'idée, elle est, si tu veux, elle est de pouvoir réunir en fait tous ces quartiers, pouvoir réunir tous ces arrondissements de Marseille. Ok, bon, trop cool. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Moi, on en avait discuté un petit peu l'année dernière, parce que avec PA, effectivement, on court ensemble au club, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de défis, défis logistiques pour cette course. Je me souviens que tu avais plutôt bien galéré. Est-ce que cette année, ça a été différent ? Est-ce que tu as abordé la chose d'une différente manière ? Ou comment est-ce que tu as réussi vraiment à la mettre en place et quelles ont été tes difficultés aujourd'hui, cette année ? Ça a été honnêtement beaucoup plus simple cette année. Effectivement, sur une première édition, tu n'as personne qui croit en toi. Que ce soit tes coureurs, que ce soit les institutions, que ce soit tes partenaires, c'est vrai que c'est un pari. Et effectivement, donc l'année dernière, à 2 semaines de l'événement, la préfecture, la police nous dit que l'événement en tant que tel ne peut pas se tenir. Ça ne peut pas se faire. Donc en fait, en 24 heures, ouais, truc de dingue. On a dû revoir tout le parcours dans sa totalité pour essayer de trouver un maximum de zones piétonnes. Mais ça a été un pari fou et finalement donc ça s'est fait, ça s'est tellement bien passé que aujourd'hui en fait on a toutes les collectivités, les institutions qui nous suivent, les partenaires qui nous suivent, davantage de partenaires qui nous suivent. Donc effectivement c'est beaucoup plus simple. On a aujourd'hui un résultat, on a eu des participants. Donc ouais, cette deuxième édition elle se fait beaucoup plus simplement que cette première. Comme je le disais, la première elle s'est fait en 2 ans. Ça a été 2 ans de travail. Que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec les institutions. Aujourd'hui, on a la confiance un peu de tout le monde. Donc, si tu veux, sur cette deuxième année, l'idée, ça a été de pouvoir apporter de nouvelles expériences. Donc, on va traverser de nouveaux lieux. On n'a pas forcément voulu communiquer dessus. C'est fait exprès. C'est pour que les coureurs puissent, s'extasier et découvrir, en fait, ces nouveaux lieux qui vont pouvoir découvrir dimanche. Mais voilà, on tend vers ça. On tend vers une immersion qui sera la plus totale possible. On veut traverser un maximum de bâtiments et essayer de faire vivre un maximum d'expériences à nos coureurs. Ça donne envie, c'est trop cool. Et je sais qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de boulot sur cette nouvelle édition et qu'effectivement, on risque d'en prendre plein la vue dimanche. Pour revenir un petit peu sur la course... Et qu'on puisse. Alors, je tiens juste à faire une petite aparté. On a choisi un café pour cette première live radio, donc il y a peut-être des petits bruits derrière nous, mais voilà, on met pas de café. Pour cette première, en tout cas, voilà, il y a pas de café effectivement, mais il y a le bruit du café en fond. Donc voilà, on s'excuse déjà pour ces petits désagréments. PA, c'est quoi la typologie des coureurs sur cette course? Écoute, on a un peu de tout. On a 80% de sudistes. C'est très très bien, mais c'est pas l'ambition première en fait de l'événement. Je pense que notre envie, elle est d'aller chercher du nation, voire même de l'international. Comme je le disais, on est vraiment sur une expérience. On est sur une découverte de la ville. Donc à terme, je l'espère l'année prochaine, c'est d'aller chercher des touristes, c'est d'aller chercher des personnes vraiment à l'international. Alors c'est très ambitieux. On est sur une deuxième édition, donc on se concentre effectivement sur le local. Sur le national, on a pas mal de Parisiens également, c'est notre deuxième clientèle. Aujourd'hui, je regardais les stats, on couvre à peu près 98% de la totalité du territoire. On a deux départements simplement qui ne sont pas représentés. Et il y a une autre fierté aussi, c'est qu'on est à 48% de femmes. C'est beau. Sur la totalité en fait, de l'événement, ce qui est très cool, ce qui, je pense, est rare sur la plupart des événements de ce type-là. Sinon, on est sur du 18-85 ans. On a un man de 85 ans qui va courir. On espère que ça va aller pour lui. C'est le plus âgé demain, dimanche? Ouais, 85 ans, ouais. Ok. Mais sinon, on est sur une moyenne d'âge à peu près 35 ans. 35 ans. Ouais. Ok, trop bien. Et comment t'expliques ce succès un peu national, du coup? Comment est-ce qu'on a réussi à attirer ces gens-là qui viennent d'un peu partout en France? Alors, je sais qu'il y a les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses mises en place pour pouvoir... vraiment les faire venir d'un peu partout? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les réseaux sociaux qui fonctionnent très très bien aujourd'hui, qui aujourd'hui est la première force de frappe pour les organisateurs et n'importe quelle organisation. C'est quelque chose d'assez facile à manipuler. La deuxième chose, on l'a vu en fait sur différentes présences, notamment sur des salons durant des courses, ça a été beaucoup le bouche à oreille. C'est vrai qu'on a eu de très très bons retours en fait sur cet événement, sur cette première édition, et on a beaucoup de personnes qui sont venues donc sur la première et qui reviennent sur cette deuxième avec des membres de leur famille, avec des amis. On a eu beaucoup ça. Voilà, donc on est très très fiers. On a des personnes qui reviennent et on est très fiers de ça. Ouais. Bon. Trop bien. Nous, on revient en tout cas avec le club, avec le RCC. On a encore une bonne quarantaine de coureurs. Ça fait plaisir. Sur les départs dimanche, donc on va encore se régaler. Écoute, fais-nous marrer un peu. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante de l'édition précédente? Ouais, alors je pense que la première édition, elle a été marrante. Marrante, je ne sais pas si c'est marrant. Mais mais la première édition, elle a été pleine de délire. On est arrivé par exemple. Ah, j'en ai deux. La première en fait, c'est qu'on la veille, le samedi à 23h, on se retrouve justement sur la corniche Kennedy qui devait être piétonne, sur laquelle on devait enlever tous les véhicules à 23h pour avoir zéro véhicule en fait le lendemain matin à 7h30 pour le départ. On attend sous la flotte. Il pleut beaucoup. On attend la fourrière, on attend la police municipale et cette police municipale en fait ne vient jamais. Et en fait, à force d'appel, on nous apprend que les arrêtés, en fait, ils sont pour le lendemain matin à 6h. Et que la fourrière va devoir travailler entre 6h et 7h30, ce qui est impossible. Donc, ça a été très, très compliqué. On a dû bosser toute la nuit pour mettre de la rubalise, pour essayer de faire un maximum. Finalement, à 7h30, et avec un peu de retard, on a réussi à partir. Donc ça, c'est la première anecdote. Bon, assez basique. Et la deuxième, on se retrouve sur la plage au départ. On doit brancher sur un fil qui sort d'un conteneur. Une arche gonflable, toute la musique, tout le bordel. On n'a pas accès au tableau électrique. Donc tu te dis, ça, c'est si mon tech, il fait une connerie, il te fait sauter le son. Au départ, ton arche gonflable, elle se dégonfle, t'as plus rien. T'as pas de son, t'as pas de speaker, t'as rien. Donc ça, c'était cool. On le refera pas cette année. Voilà, full générateur, mais ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça l'a été bien drôle. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition ou les éditions futures, s'il y en aura ? Eh ben, écoute, des très bons retours pour dimanche. On a de la chance, il va faire super beau. Je pense que c'est un très, très bon point. Non, rien. Bah, écoute, que ça se déroule au mieux, qu'on réussisse ce pari fou sur cette deuxième édition. C'est pas forcément la plus simple. Donc, voilà, à voir. On a bossé pour. Eh ben, on croise les doigts pour que ça se passe bien. On te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Mais également beaucoup de réussite en tout cas pour cet événement et également pour la suite. Nous, on est très fiers en tout cas avec le club d'y participer en masse et très fiers que tu fasses partie également du club et que des projets comme ça voient le jour à Marseille. C'est important et pour la ville et également pour nous, les runners. Donc merci pour tout ça. Je vais juste te poser quelques questions en guise de rubrique de fin. Ton lieu dont tu ne te lasses pas à Marseille ? Corniche. Une adresse secrète à partager ? Genre, tu ne peux pas quitter Marseille sans passer par ? Par un resto ? Ou non, Paseda ? Par le Paseda ? Ouais, Paseda, ouais. Et pas ouais. Le resto, mais la place. La place, ouais. Paseda. Ouais, ouais, ouais, avec les autres. Quand même. Effectivement, sinon, il n'y en a pas beaucoup qui quittent Marseille. Le son qui tourne en boucle dans tes oreilles en ce moment. Ah, je ne l'ai plus, tu me l'as demandé, je ne l'ai plus. C'est de la soul. C'est quelque chose qui groove un peu. C'est la soul qui groove, ouais. On va retrouver ça. C'est de la house. Le meilleur repas après MOE, c'est ? Un plat de pâtes. Un plat de pâtes ? Ouais, tranquille. Bon, et avec de la bière. Alors, on se voit dimanche sous le soleil avec une bière, un pastis et des pâtes. Ça va faire beaucoup. Post-course. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup, PA. Merci, Lomar. Merci à toi. Et moi, de mon côté, je vais rendre l'antenne, je vais poser le mic, on va accueillir Alexis Rosset qui va prendre la relève avec notre deuxième intervenant. En attendant, on écoute le son de PA. À toutes. Make it better, do it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it. On y est, on se retrouve, deuxième partie de cette RCC Radio. Enchanté, ma douce voix suave, Alexis Rosset, qui vient de Haute-Savoie. Je suis là, pourquoi ? Déjà, bonne question. Non, en vrai, on a bien catché avec les gars du RCC qu'on avait accueilli lors du premier Speed Project sur Chamonix, la première version française. L'année dernière, j'avais eu la chance de speaker la course et cette année, mon rôle, c'est de vous hurler dessus et de dire des bêtises et d'en apprendre plus aussi sur ce MOE. Deuxième partie de ce podcast, de cette radio, c'est la place des champions. La place des champions, et on l'a retrouvé. Il était sur la piste de 400, mais finalement, il est là. Monsieur Ben Benjamin Pellapra, qui nous fait l'honneur d'être là, coach officiel du RCC. Si vous voulez, voilà. Il y a Giroud et au-dessus, il y a Ben, en termes de légende du coaching. Et ce n'est pas facile. Il va nous raconter quelques anecdotes. Pour vous faire un petit peu la présentation, cet homme a gagné la première édition du MOE du 12 km en 48-09 l'an dernier. À jamais le premier, hein, comme on dit par ici, chez vous. Salut Alexis, à jamais le premier. Et licencié au SCO de Marseille. Oui. Et également dans le crew du RCC avec ce rôle de head coach. Ça va ? T'arrives à le gérer ? Ouais, ça va. C'est trop cool. Les énergumènes sont quand même assez manageables ou... Ouais, clairement, le jeudi, ça file droit. Et ben, avec toi, on va en apprendre un peu plus pour les auditeurs, auditrices sur le parcours du 12. Okay. C'est vrai qu'on a trois formats cette année, le 5, le 12, le 21. Toi, tu l'as remporté sur le 12, qui est ta distance un petit peu plus de prédilection. Tu fais aussi du... T'es un athlète hybride, on en reparlera, mais t'es un athlète qui fait de la route et qui fait du trail. Cette année, t'as jonglé un petit peu entre les deux. Raconte-nous un petit peu l'année dernière. Pourquoi tu t'étais décidé à venir sur le MOE ? Et puis surtout, tu as été le petit prince de la major pendant un an, hein, finalement. Ça fait quoi de gagner à la maison ? Ça fait quoi de gagner à la maison ? Ça fait très plaisir parce que je me sens très marseillais. Le Trail Urbain de Marseille, c'est clairement l'event le plus stylé de la ville. Donc, très, très content d'avoir marqué mon nom au palmarès sur cette première édition. Et puis, je suis un fervent supporter de l'OM, donc à jamais le premier. Et du coup, y aura ton nom à tout jamais. Il va falloir rendre la couronne dimanche. Est-ce que tu recours dimanche ? Recours, mais je ne recours pas sur la même distance. Allez, tu passes sur le 21, il me semble, c'est ça ? Sur le 5. Sur le 5 ? Ouais, un petit peu de vitesse. Peut-être le grand chelem. L'année prochaine, tu nous remets le 21. Ah, c'est possible. Ça pourrait vraiment me tenter. Je n'y avais pas pensé, mais incroyable. Incroyable. Chaque année, remettre ton titre. Explique-nous un petit peu comment ça s'était passé l'année dernière sur ce 12 km, départ plage des Catalans pour toi. Tu avais réussi à te faufiler dans la vague 1. Et après, faut se placer quand même. Hein. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent peut-être aller chercher une place dimanche, comment on gère la course ? La course, il faut... Alors, quand on vise la première place, ou en tout cas la tête, les premiers groupes, il faut partir assez vite parce que c'est des petites ruelles. Enfin, c'est Marseille, c'est le 7e. C'est très escarpé, beaucoup d'escaliers. Il faut partir assez vite parce que sinon, on est très vite gêné et très vite ralenti. Et ensuite, faut savoir que la première partie est plutôt difficile. C'est un vrai trail urbain. La seconde partie est beaucoup plus roulante. Donc, moi, j'ai tendance à partir sur ce format-là, partir vite et après dérouler. Et au niveau des qualités, tu dirais, voilà, toi qui es un peu athlète, on le disait, hybride, t'as un PR sur 10K en 32-26. T'as participé aussi au championnat de France de course en montagne cette année à Val-d'Isère, oui. Qui est un parcours très montagneux. Oui. Comment on prépare bien un urban trail et quelles sont les qualités requises pour le MOE ? Alors, je pense que sur le 12 km, l'athlète qui sera le plus fort, c'est un athlète plutôt hybride et qui est très fort sur cross, en fait. C'est-à-dire avec une VMA très, très haute et qui est capable de relancer en permanence. Je pense que la différence, elle se fait là. Aujourd'hui, un athlète sur route, je ne pense pas qu'il soit 100% en route s'il se retrouve face à un athlète typé cross, voire même trail court. Il ne sera pas capable de le suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup de relances. Et ça, c'est la beauté du parcours, de ce parcours-là, en tout cas. Et quelle différence tu verras entre ce qu'on appelle un urban trail, comme on l'a voir dimanche, et un trail nature, vraiment comme tu as pu le vivre à Val d'Isère, par exemple, ou à Chamonix. C'est vrai que tu étais sur l'OCC, il me semble, l'an passé. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Clairement, le dénivelé, en tout cas par rapport à Cham ou à Val d'Isère, c'est beaucoup moins important. Quelle est la différence ? La différence, elle est technique. Hein. C'est-à-dire que ici, ça va être donc à Marseille des escaliers essentiellement. Des pentes, par contre, très très fortes. Il y a des pentes très très fortes. Ça, pour sa PA, il a fait un super parcours. Par contre, pas de rochers, pas de pierres, pas besoin de trop regarder en descente où on met les pieds. Juste, on déroule et ça passe. Et du coup, explique-nous un petit peu, toi, comment tu l'as intégré dans ta saison, ce MOE. Est-ce qu'il a une place particulière? Est-ce que c'est un objectif prioritaire? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu intègres voilà, comme objectif secondaire et tu as d'autres priorités? Alors, cette année ou l'année dernière? Cette année. Cette année, moi, je sors d'une blessure, donc je suis en reprise. La décision a été prise de courir hier. On a décidé, c'est pour ça que je vais sur le 5. C'est vraiment une course de reprise et je la vois pas du tout comme une course prioritaire. Ça me tient énormément à cœur d'être là parce que c'est la course, comme je l'ai dit au début, la plus magnifique de Marseille. Mais c'est vraiment une course pour préparer les objectifs de 2026, qui sera une première partie axée cross. J'adore les cross. Donc, première partie axée cross. Peut-être au France de Trail aussi, France de Trail court, à voir. Ça sera décidé aussi avec mon coach, mais c'est vraiment faire de la vitesse et s'amuser avec les copains. C'est vraiment ça le plus important. Ouais, et aussi l'aspect ambiance. Hein, on se souvient, lorsque tu passes la ligne et après même tout l'after avec ce passage à la Major avec tout le RCC, on avait craqué les fumigènes. Il y a aussi un côté hyper festif, je pense, que tu viens chercher sur ce MOE qui est différent peut-être d'autres courses. Il y a très peu de courses où il y a autant d'ambiance que le MOE. Je pense que pour ça, le RCC, c'est vraiment un club hors du commun. Il y a d'autres crews à Marseille hein, qui vraiment mettent l'ambiance, mais c'est vrai que particulièrement le MOE, c'était fou. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et je viens clairement chercher ça et je serai bien évidemment à l'after. Eh oui, il faut répondre présent. Il faut être premier à la ligne, mais premier aussi à l'after. C'est l'objectif. Allez. Mais je suis quand même moins bon sur la descente de bière que dans les descentes de Notre-Dame. T'es plutôt coaché sur l'after. Ouais, je suis pas très bon. Et explique-nous un petit peu, là on a parlé beaucoup de ta casquette de coureur où tu es quand même dans une démarche de performance. Ta casquette de coach, comment tu la traites aujourd'hui? Comment ça se passe aussi ta relation avec ce RCC? Tu as vu, je pense, ce sport que tu pratiques depuis longtemps évoluer avec cette arrivée des crews et des clubs. Comment aujourd'hui tu prends une place dans le RCC et comment tu organises ton coaching? Alors moi j'organise mon coaching, enfin la base c'est vraiment un groupe de copains. Qui décide de monter un crew, ça se passe hyper bien. Au bout d'un an, beaucoup de monde, beaucoup de blessés. J'ai quelques notions en coaching. Je propose à Marvin, le boss du club, d'aider à faire des séances en disant, en fait, si vous êtes blessé, c'est que vous vous entraînez mal. Ou vous buvez trop d'alcool. Clairement. Uh-huh. Et à partir de là, ça s'est hyper bien passé. Moi, je suis passionné par le coaching. À côté, j'aide beaucoup aussi d'athlètes sur le côté en perso, ouais. Donc pas forcément des athlètes du RCC. Je suis passionné, enfin d'abord je me suis passionné pour moi, pour c'est-à-dire comprendre ce que je faisais et essayer de progresser. Aujourd'hui j'essaye de transmettre et c'est trop cool parce que le coaching c'est vraiment génial. Tu coaches que du run ou tu touches un peu à d'autres sports, ça peut t'arriver? Non, je coach vraiment que du run. Par contre j'ai une multitude de distances, donc ça va en gros du 5K jusqu'à l'ultra. Par contre je ne touche pas aux autres sports parce que j'ai pas les compétences. Ok. Et du coup, explique-nous un petit peu comment ça se passe au sein du RCC. Est-ce que voilà, c'est ce coaching de groupe du coup qui est vachement différent d'un coaching individualisé où tu dois t'adapter à un groupe? Est-ce que vous avez des compétitions objectifs pour tout le club ou tu fais une prépa vraiment pour une compétition spécifique? Et comment ça s'organise dans la semaine en fait pour les gens du club? Alors, on a trois compètes spécifiques, un 10K, un semi et un trail. Moi, je fais des plans entre 3 et 5 séances que je leur envoie. Je suis avec eux tous les mardis et tous les jeudis, en principe. Le jeudi, c'est de la piste. Et voilà, et j'essaye de vraiment leur expliquer la démarche d'entraînement, qui est aujourd'hui une démarche qui est vraiment être le plus régulier possible, vraiment savoir suivre des allures. J'essaie de leur expliquer des notions, la VMA, le seuil, etc. C'est beaucoup de novices et c'est super cool. Et pour l'instant, ça marche hyper bien parce que bon, déjà, les gens sont très contents. C'est trop cool. T'as une stat sur le taux de blessure? On a réduit? Alors, on a demandé à l'INSEE. Hein. Normalement, on a les chiffres. L'année dernière, je pense que des gens qui vraiment suivent mon plan, je n'ai pas vu de blessure. Après, il faudrait revoir. Par contre, j'ai des stats sur les RP et je crois que le 10K de Nice, l'an dernier, on fait 100% d'RP. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà. Après, on avait quand même beaucoup de débutants, c'est aussi à prendre en compte. Mais c'est trop cool, les gens progressent de fou et ils continuent à progresser. Et du coup, est-ce que là, sur les derniers mois, vous avez fait une prépa spécifique MOE? Est-ce que c'était dans le plan? Il n'y a pas de prépa spécifique MOE puisqu'on sort vraiment de l'été. Donc là, reprise, qui dit reprise, dit d'abord pas mal de travail de PPG en fait. Beaucoup d'escaliers, etc. Un petit peu de gamme, beaucoup de gamme même, pas mal de renfaux et on commence le travail de VMA. Le travail de VMA pour les amener sur le 10K et la course du club sera le 10K de Cannes. Ouais, ça arrive quand? C'est mars, je pense. Donc okay. On a encore un peu de temps. On est dans le début de la prépa. Voilà, on est vraiment sur. Voilà, on n'a même pas commencé la prépa. On est vraiment sur un travail de vitesse pure. Petit à petit, on les amène sur. Enfin, tu connais. Là, c'était 12 x 300 hier. Allez. Et explique-nous un petit peu qui est le meilleur élève du RCC. Balance un peu des noms là. On en veut. Le meilleur élève du RCC. Ouais, le plus assidu. Tu sais, celui qui veut le bon élève. Le très très bon élève. Allez, premier de la classe. Premier de la classe. C'est pas forcément le meilleur. C'est celui qui exécute. Il y en a plusieurs. Marion Chollet. Ouais. Marion Chollet, très très bon élève. Nolwenn. Alors, je suis peut-être pas très objectif, c'est ma copine, mais elle est très c'est biaisé. Ça, c'est complètement biaisé. Ça, c'est non. Elle est très très. Elle fait très bien les choses. Et je pense que là, on a donné les gros. Hein, les gros. Deux, il n'y avait que deux noms. Et à la fond du bus, on a qui du coup Au fond du bus. Ouais, au fond du bus. C'est pas gentil limite, de faire ça. Limite, il y a le bus et il y a encore c'est les gens sur l'arrêt de bus. C'est pas gentil de faire ça. C'est pas gentil de faire ça. Non, Marvin, il fait des grands signes. Non, c'est pas toi, Marvin. Toi, maintenant, t'es sérieux, tu veux plus te blesser. Non, il est rentré dans le rang. Ouais, il est rentré dans les ordres même. Non, les gens qui font des bêtises. Je dirais, il y a un gars, il s'appelle Yann. Jeanne. Et ouais, Jeanne, il part souvent trop vite et souvent il explose. Donc voilà, c'est sans pitié, désolé. Il faut balancer un petit peu. J'ai balancé, là j'ai clairement balancé. J'ai clairement balancé. Et qu'est-ce que ça fait du coup d'avoir un groupe aussi divers ? Parce que je pense que tu as des niveaux qui sont hyper éclectiques. Ouais. Et tu as du novice, tu as des gens qui deviennent aussi de plus en plus confirmés. Quel plaisir tu as à voir ces gens-là qui arrivent avec une base complètement zéro et puis tu vois. L'idée, c'est quoi ? C'est toi de continuer à les coacher ou de les rendre autonomes finalement dans leur manière de s'entraîner ? Non, c'est pas du tout de les rendre autonomes parce que déjà j'ai pas du tout envie qu'ils soient autonomes parce que je kiffe trop ce que je fais. Parce que ça te fait du pognon surtout mon gars. Dis-le. Alors si on remettait dans son contexte, je suis pas trop, c'est pas très capitaliste le RCC. En tout cas pas à mon niveau, mais je pense même pas du tout. Et non, clairement non, ce que je kiffe de fou, c'est vraiment prendre des débutants, des gens qui courent pas énormément, qui s'y mettent et leur dire, bah en fait, tu vois, on est là, on va essayer d'aller là. Et en vrai, fais-moi confiance et je vais essayer, moi, de te rendre cette confiance. Ça marche souvent, j'espère. Les gens sont contents, moi, c'est tout ce que je veux et voilà. Et après, ouais, on a 2-3 athlètes qui sont beaucoup plus entraînés, beaucoup plus au fait, notamment par exemple Maxime. Maxime est bien plus entraîné. Et là, du coup, c'est une autre démarche. C'est vraiment une autre démarche. On a ou Lucas, c'est une démarche parce que vraiment, on a déjà des chronos et l'objectif, c'est vraiment d'aller battre des RP. C'est-à-dire, en fait, vous venez avec moi. C'est ça que vous faites actuellement. Ok, bah, moi, dans 6 mois, je vais vous amener là. Et on va sans produit spécifique dopant. Non. À Marseille, de toute façon, à part le pastis et la bouillabaisse, il n'y a pas grand-chose. Oui. D'ailleurs, au ravito dimanche, préparez-vous. Hein. C'est local. C'est très local. J'attends ça avec impatience. Mais tu ne me verras pas boire de petit jaune au ravito. Mais. Est-ce que tu avais pris quelque chose sur le 12 km quand tu avais couru l'an dernier ? Ou tu étais parti. Ton rituel d'avant-course ? Mon rituel d'avant-course. Non, ouais. Mon rituel d'avant-course, c'est clairement le gel Morten avant. Placement de produit. Ouais, placement de produit. Et j'en ai pris un aussi, je pense, au niveau du sommet de la bonne mer. Je suis même sûr d'en avoir pris un au sommet de la bonne mer. Avant la bascule. Ouais, avant la bascule. Très, très bon jeu de mots. Je vois que tu es un connaisseur du clip. Ah, j'adore. Ok. Et allez, un conseil pour tous les coureurs et coureuses de dimanche ? Partir vite, se placer ou... Alors, parce qu'il y en a qui, vu qu'on part par vague, tu sais, il y a un peu cette pression de vite sortir du paquet et de se placer. Est-ce qu'au contraire, il faut peut-être un peu en garder, justement, tu sais, avec ces pentraides, on peut un peu craquer ? Alors, si j'ai un vrai conseil à donner, c'est de ne pas partir trop vite, sauf si on vise la tête. C'est-à-dire, si on vise les 10 premières places, oui, partir vite, sinon pas du tout. Juste bien aborder les marches, c'est un peu dur musculairement, etc. Et l'autre conseil que j'ai à donner, c'est surtout kiffer, en fait. C'est-à-dire que dimanche, il va faire trop beau. Marseille, c'est magnifique. Le parcours, il est fou. Mais juste prenez-en plein les yeux. Genre vraiment, enfin, vous êtes à Marseille, c'est magnifique cette ville. Et le parcours est fou. Donc voilà, ne venez pas dans l'idée de dire, je veux juste faire une perf. Genre ouvrez les yeux, regardez autour de vous et régalez-vous. Ouais, levez la tête. Et c'est vrai qu'on a eu l'immense chance d'avoir Marseille qui est accessible aux runners. Oui. Avec beaucoup de routes qui sont fermées et c'est... quasiment qu'une fois par an d'avoir ces lieux-là qui sont ouverts aux runners. Oui. Il y a beaucoup de monde qui seront sur le bord également des routes et sur le passage. Grosse fan zone RCC. Grosse fan zone RCC. Il y a le segment également de la montée à la bonne mer où il y aura Iron qui seront chauds. Donc en gros, ça va faire du bruit. Donc profitez, ouais. C'est le maître mot, je pense. Parce qu'au final, un trail urbain, si on veut viser un chrono, c'est toujours compliqué parce que c'est un parcours qui est cassant. Mais au contraire, se faire plaisir et lever les yeux. Surtout qu'on va avoir une très belle météo. Oui, et puis, enfin, comme j'essaye de toujours dire mais aux gens que j'entraîne, en fait, c'est pas les championnats du monde qu'on fait, pas du tout. C'est vraiment un trail de kiff de fou, mais régalez-vous. Genre, prenez du plaisir. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe moins bien, bah, prenez du temps et regardez autour de vous, profitez de l'ambiance et kiffez Marseille. Elle est là, la ville. Cette ville, elle bat pour le sport. Et là, les gens, tous les gens autour de vous, ils vont être là pour le même event et pour que vous kiffiez. Donc, régalez-vous. Trop bien. Et voilà, sur ces beaux mots, on passe à la chronique de la fin de l'interview. C'est Massilia Mabel avec les quelques questions un peu en one shot. Ton lieu dont tu ne te lasses pas à Marseille? Malmousque. Ok. Une adresse secrète à partager qui du coup sera moins secrète. Et en gros, tu peux pas quitter Marseille si t'as pas vu. Tu peux pas quitter Marseille si t'as pas vu les Goods. Ok. Le son qui tourne en boucle dans tes oreilles, on le mettra à la fin. Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Ok, c'est d'actu en plus. C'est d'actu, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Ah, il bat. Le meilleur repas après le MOE, c'est Pizza, je fais du placement aussi. Tribeca Di Mario sur le Vieux-Port, incroyable. Allez, deuxième placement de produit, cherche des sponsors cet homme. Exactement. Merci Ben, on te souhaite bon courage. On te retrouvera sur la ligne de départ et assez tôt, je pense, à la Major dimanche pour peut-être le doublé historique. On espère. Merci Ben. Merci à toi, Alexis. You know, you hear a lot of people complaining about what they don't have. Wow, you actually got people out here that's been laid off having some real hard times. They losing their houses. They trying to figure out where they're going to sleep, where they're going to get their next meal. I mean, you name it, it's going on. When you get to looking at people that really have stuff versus the ones that's really struggling and trying to hold on to what they have. And I'm just reflecting on growing up. Seemed like the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less. Eh bien, on se retrouve, RCC Radio, vous êtes branchés. Il est 18h46. Ta-da-da ! Et on se retrouve avec notre troisième invité. C'est toujours notre partie 2, la place des champions et des championnes, puisqu'on a eu Ben, vainqueur du 12 km. Et on se devait de recevoir celle qui a levé les bras à la Major il y a quasiment un an, jour pour jour, sur le 12 km. La duchesse de Marseille, pourtant, elle descend de la capitale. Laurie Sicot, qui est là, athlète de Zoom Volt Runner. Qui gère également les communautés avec la marque On Running qui est partenaire du MOE. Victoire l'année dernière en 59-21. Laurie, c'est plutôt une coureuse sur route avec des perfs, les PR 36-26 sur 10K, un semi en 1h19 et un marathon en 2h47, si je ne me trompe pas. Et récemment, on t'a vu briller à Rome sur le 24 Paris. Et à Boston, madame, elle s'est fait un petit marathon de Boston. Et puis au milieu de tout ça, des kilos et des kilos de matcha qui défilent quand même. Un amour inconditionnel pour cette boisson qu'on ne souhaite pas voir à Marseille, s'il vous plaît. Laurie, bienvenue. Eh ben, merci Alexis de me recevoir dans de telles conditions. Je précise que le matcha est au lait de coco. Ah, merci. Ouais. C'est important de le souligner pour réaliser de belles performances. Exactement. Bon, Laurie, on a eu Ben qui lui était... Voilà, ravi de gagner à la maison, ça le tenait à cœur. Toi, est-ce que le fait qu'une Parisienne remporte à Marseille, il y a quand même un petit goût particulier? Écoute, fallait représenter. Et j'aime particulièrement Marseille. Donc peut-être même que je déménagerai par la suite, qui sait. Ok. La 7, peut-être. Peut-être. Peut-être bientôt. On verra. Explique-nous du coup, on a eu le récit d'Eben, toi, comment ça s'était passé. Donc l'année dernière, tu étais venu aussi avec On Running et puis tu avais pris le dossard. Je m'en souviens, c'était la veille que tu as vu ton dossard. C'était pas forcément validé avant. Tu t'étais engagé sur 12, c'était quoi l'idée? C'était montrer le maillot? Alors l'idée, bien sûr, toujours montrer le maillot, pour ceux qui me connaissent. Mais dans l'idée, non, c'était découvrir Marseille, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'y retourner. J'ai découvert de très beaux spots à Marseille que je ne connaissais pas. Et bah, évidemment, je travaillais sur l'événement, donc je n'étais pas sûre de pouvoir assumer ces 12 kilomètres, qui paraissent peut-être peu pour certains, mais beaucoup pour d'autres. Et donc, je me suis présentée pour cette course et plutôt contente de l'avoir fait. Peut-être même que je vais me représenter dimanche prochain. Suspense. Suspense. Derrière votre petit téléphone, vous pouvez flipper. Hein. Si Laurie Sicco remet les dossards, remet son titre en jeu. Aïe, aïe, aïe. Peut-être même sur le 21, qui sait? Je ne sais pas. Ne dirai rien. Surprise. Explique-nous un petit peu de l'intérieur, comment tu avais vécu ce 12 km l'an passé. On part plage des Catalans, du coup, dont ce départ par vague assez particulier. Toi, comment tu l'avais préparé? C'est vrai que tu coupes vraiment une course à plat. L'aspect musculaire, comment tu l'avais géré? Alors, je ne sais pas si Ben en a parlé juste avant, mais on a eu des petits aléas au départ. On n'a pas entendu le coup de feu. Il s'agirait que la course d'avant était en retard. On s'est dit, on a du temps. On était sur l'échauffement. On arrive vers la barrière et là, on entend le coup du départ. Donc, on saute la barrière et on se dépêche pour pouvoir quand même avoir un peu le visu sur la course et la tête de course. Donc voilà, c'était un départ très stressant. Mais après, j'en ai pris plein les yeux. Donc non, je l'ai super bien vécu. Ne serait-ce que beaucoup d'escaliers. Je ne suis pas une coureuse trail, je ne suis pas une coureuse du dénivelé. J'aime beaucoup les descentes, mais les escaliers, c'est un peu technique. Donc, je me suis prêtée au jeu des escaliers. J'ai souffert, mais j'ai essayé d'apprécier la vue également. Et la fin a été parfaite, puisque j'ai fini première, paraît-il. Oui, c'est validé, c'est validé. Il n'y a plus de doute. Hein. Il faut profiter quand ça arrive. Hein. C'est pas tout le temps qu'on peut gagner. Bah, j'ai après, un peu braqué le podium. Hein. Ah, tu te mets quand même sur des courses assez relevées aussi. Hein. Écoute, maintenant, je deviens un peu trailleuse. Donc, je pense que c'est grâce à Marseille et à la dernière course. Qui sait, ça m'a peut-être déclenché quelque chose, les escaliers maintenant. L'Urban Trail, tu kiffes bien quand même? L'Urban Trail, je kiffe parce que ça fait découvrir un peu les points culturels. J'en ai fait un à Angers, d'ailleurs, pour information. Faut y aller quand même. Hein. Tout Angers bouge. S'il n'y a pas un Urban Trail à Angers, tu ne vas pas quand même par plaisir. Franchement, s'il y a des Angevins, bon. Non, en vrai, c'est beau. Hein. C'est un préjugé. C'est beau, oui. Puisque la ville est quand même très dynamique, très sportive. Oui. Et j'ai été agréablement surprise pour avoir de la famille là-bas. Et non, j'ai couru dans les vignes, ce qui est quand même pas, voilà, pour ceux qui sont les amateurs de vin. Mais non, j'ai pas fini première, mais j'ai apprécié la vue. Et je suis montée sur, tout en haut d'une tour. Donc maintenant, je suis prête pour en refaire et en refaire. Ok. Et du coup, tu disais baby trailleuse, mais quand même l'amour inconditionnel, il est pour la route. Comment toi, tu gères ta saison? Est-ce que tu intègres un petit peu cette partie quand tu sais que tu vas faire quelques urban trails ou que tu vas un peu en montagne? Comment tu l'intègres dans ta prépa, surtout quand tu es à Paris où tu as l'accès au dénivelé quand même un peu plus complexe? Alors, en tant que coureuse de route et un peu touriste sur l'urban trail et le trail, justement, j'y vais un peu sans préparation. Moins de stress, plus de plaisir. Je pense qu'à terme, ce n'est pas la meilleure solution. Mais c'est l'esprit trail, Laurie. Mais c'est l'esprit brut du trail, authentique, comme on l'aime. Ouais. Et j'aime courir avant tout. On a l'impression d'entendre Coubertin quand tu parles. Écoute, on philosophe un peu ce soir. Donc, j'aime beaucoup cette approche un peu brute aussi de la course de temps en temps, qui permet de décomplexer la performance et le sport de manière générale. Donc là, pour moi, c'est des moments d'amusement où il n'y a rien qui est vraiment en jeu, où je découvre, je reste humble dans ma pratique. Donc je suis très contente de partir dans cette approche-là sur les urban trails. Ça changera peut-être par la suite, qui sait. Et du coup, tu n'es pas venue toute seule cette année, puisque tu as amené ta colonie un petit peu, que tu as toute l'année maintenant. Tes ambassadeurs, kids. Tes kids. Oui. T'es la nounou. Tu es Tata Sicco maintenant. J'étais sûre que tu allais dire Tata. Ouais, tu es Tata. Je ne suis pas. Si, pourquoi pas Tata? Tu es Tata. Nounou aussi, j'aime bien. As the M0, Master 0, tu dois être Tata. Alors, Alexis, ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Coupé. On arrête Master tout. Écoute, ils sont tous là aussi pour vivre un peu l'ambiance à Marseille. Ils sont principalement à Paris, mais j'ai aussi des ambassadeurs à Lyon. Comment tu leur as pitché le truc? Bon, j'ai pas besoin de les pitcher, hein. Le projet, il est canon sur le papier. S'ils viennent pas, c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Non. En vrai, l'idée, c'était vraiment de venir courir, si vous voulez, l'Urban Trail et d'avoir toute une programmation du vendredi au lundi qui puisse profiter, être aussi au cœur de ce qu'on propose, de l'expérience de marque, mais en même temps aussi de cette belle ville qu'est Marseille, la deuxième plus grande ville de France, ne l'oublions pas. Et culturellement, on en apprend toujours. Et d'être en plein cœur du Mucem, notamment dans le Café du Fort, je trouve que quand même, c'est quelque chose de beau. Donc pour moi, c'est vraiment un beau moment, un beau week-end qui se construit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur as concocté comme petite surprise alors à nos ambassadeurs, à nos Parisiens ? Faut que je les tease là, parce qu'imagine, ils écoutent le live. Balance de trois indices. Déjà, il y aura un atelier perles. Je pense qu'ils sont ravis. Waouh ! Ils sont tellement contents d'être descendus de Paris pour... Non. L'idée, c'est vraiment non seulement l'aspect course, donc ils vont découvrir aussi l'Urban Trail de Marseille. Je pense qu'il y a plein de spots qu'ils n'ont pas encore découvert. L'année dernière, j'étais assez surprise. Alors, un de mes spots préférés, c'était la gare maritime. J'étais assez étonnée de cette ambiance un peu Walking Dead, que j'ai adorée. En plus, c'était la fin et ça devenait un peu roulant. Tu connais mon amour pour la route, oui, là, pour le roulant. Yes. Bah, j'avais l'impression d'être moi-même, d'être chez moi. C'est bon, c'était parti. Peut-être grâce à ça que j'ai gagné la course, hein. Juste cette dernière partie, pas les escaliers. Donc l'idée, ouais, c'est de leur faire découvrir tout ça de Marseille, mais aussi d'avoir un lieu historique et un lieu vraiment le point de chute de la culture marseillaise au Mucem. Et également, on aura des activités spécialement ambassadeurs. On a une villa à côté où ils pourront partager des moments ensemble, plus intimistes, et une programmation un peu surprise le lundi. Allez. Toujours très liée à Marseille. Et on peut parler aussi de toi qui, du coup, gère cet aspect communauté, qui gère également les associations avec les crews. On sait que vous avez tissé une belle histoire avec le Running Club Catalan, avec le RCC. Raconte-nous un petit peu comment s'est fait voilà, cette rencontre. Et maintenant, c'est un peu un fil d'Ariane tout au long de l'année où vous retrouvez, pas forcément qu'à Marseille, des fois ils viennent sur Chamonix, ils sont venus notamment cet été, tu les emmènes des fois à Paris, enfin bref. Vous êtes toujours plus ou moins liés avec le RCC, c'est ça ? Exactement, alors c'était un peu le coup de cœur, hein, le RCC, notamment un an auparavant pour le MOE, où j'ai rencontré Marvin, l'énergie en fait, tout simplement. Et en fait, c'était même pas le MOE, c'était à Marseille-Cassis, où on a bu des coups à Cassier, c'était avec le crew Arbat, qui n'est pas le mien, je précise. Je suis des Zumball Runners. Mais on politique, était vous voyez voilà. Ça, c'est quand il fallait la placer. Il y a deux doigts de sauter. Il fallait la placer. Donc, donc on était Cassis, on buvait des coups, et là, je vois quoi, un énorme crew qui débarque. Il y avait un petit slogan mené par Marvin, qui a une voix quand même charismatique et qui porte. Ouais, c'est, c'est le garou de Marseille, on dit. Le garou. Ah, je savais pas. Ouais. Très bon. Ah, ça se murmure, très, très bon. Voilà. C'est un peu le droit au run, le droit au Marvin. Hein. On verra pour ça pour plus tard. Et donc non, du coup, je rencontre un peu ce groupe, cette énergie que transmet Marvin en tout cas. Et par la suite, donc on prend contact, on se voit pour le MOE, on bosse un petit peu ensemble sur le MOE, on demande au RCC de participer. Et là, je capte en fait qu'il y a un projet encore plus concret qu'une marque. En fait, il y a une énergie à propager, il y a des projets à construire autour du run, autour du sport. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon métier. En tant que community spécialiste, ce n'est pas que vivre des moments de marque, mais c'est autour de la marque vivre des moments tout court, des moments authentiques, des moments qui vont rassembler des gens, connecter des gens. Et encore mieux de bien les équiper pour vivre ces moments. Et nous, en fait, en tant que marque, on essaie vraiment de créer une histoire qui parle aux gens. On crée des émotions autour d'une histoire authentique. Et à Marseille, on sent en fait que cette histoire, bah, y a beaucoup de gens réceptifs, qu'on peut partager des choses. Et c'est ça mon métier, c'est vraiment de faire vivre des moments. Et si c'est à travers des beaux dis produits pour émotions. Bien courir et pour faire des performances ou pas, juste finir une course, c'est encore mieux. Trop bien. Ça résume aussi bien l'esprit du MO, je crois que... De faire vivre une expérience avant une course, c'est aussi une expérience au cœur de Marseille. Exactement. Ta paire pour dimanche, si tu cours dimanche, c'est quoi ton choix chez On ? Alors Alexis, je ne sais pas, ça dépend. Je veux finir première ou je veux finir ? Tu as fait combien l'an dernier ? Je ne finirai pas première. Hop. Teaser. L'année dernière, j'avais les strikes. Ouais. Je voulais en découdre. Cloud Boom Strike, ça rigolait pas. Ça rigolait pas, mais dans les escaliers, ça glissait un peu. Mm-hmm. Mais cette année, je pense que je vais rester sur même stratégie, strike, pour être légère. En revanche, je conseille aux coureurs de peut-être prendre les Boom Max, qui sont des chaussures beaucoup plus adaptables à tous. Ok, c'est noté. On passe à la rubrique Massilia Mabel, les questions en bullet point qui s'envoient comme ça. Ton lieu dont tu ne te lasses pas à Marseille, si tu es apprenti marseillais. En tant qu'apprentie marseillaise, j'aime beaucoup aller boire mon café chez Ben Mouture. Ok. Tu peux pas quitter Marseille sans passer par... Ah, tu peux pas répéter ce que tu as dit avant. Si tu connais qu'une adresse à Marseille, t'es foutu. Non, mais je réfléchis la plus pertinente. Il y a tellement d'endroits, je ne peux pas... Je dirais tout simplement un petit run à la Corniche. Ouais, classique. Classique. Le son qui tourne en boucle en ce moment dans tes oreilles ? Kingston Town de UB40. Mais la reprise, du coup. Ok. Le meilleur repas post-victoire au MOE ? Des panisses. Ah, allez. Politiquement correct. Ouais, genre, tu veux vraiment bien te faire voir ici, toi. Eh bien, merci Laurie, en tout cas, pour ce passage. On te souhaite bon courage pour ce week-end qui va être intense au niveau boulot. Et peut-être, regardez si vous voyez peut-être un maillot noir et jaune du Zoom Vault Runner dimanche sur la ligne de départ, 21, 12 ou 5. Le suspense plan, peut-être qu'elle sera là ou en tout cas, elle sera là pour donner de la voix sur le parcours. Merci Laurie. Merci Alexis. On se voit dimanche. Sur cette RCC Radio, vous êtes toujours branché, 19h03, le JT n'a toujours pas débuté, bah, quoi de mieux qu'écouter le RCC pendant que vous mangez votre petite soupe. Partie 3, on y va, et là on a fait un peu le lien tout à l'heure avec Laurie, partie communauté, partie crew, et on reçoit Adam, parisien Pure souche. Pure souche. Pure souche. Je suis né à Versailles en réalité. Ouais, pure souche. Pour un Marseillais, c'est pure souche. Exactement. On va parler des crews, parce que tu es à l'origine d'un crew qui s'appelle Arbat. Exactement. Arbat, allez, tu vas nous... Je l'ai noté moi dans les fiches, j'aimerais bien que tu me le pitches, tu sais l'elevator pitch. Tu vois un peu ce que c'est dans les écoles de commerce un peu pompeuses. En gros, tu as 30 secondes pour pitcher ce qu'est Arbat. En 6 secondes, Arbat, c'est un club de running affilié à la FFA. On travaille beaucoup avec ON, on est 200 adhérents actuellement, mais il y a beaucoup de croissance en réalité, je pense qu'à la fin de l'année on sera à 500-600, et c'est un peu le fuel de plein d'autres projets, une application, une agence, une marque de vêtements, un laboratoire de performance, et voilà, et beaucoup de personnes courent au sein de ce club à Paris. Il y a aussi à New York, et il y a eu une époque où il y avait Londres, mais il y a aussi New York. Ok, ouais. Et toi quel est ton rôle au sein d'Arbat? Un peu le chef d'orchestre. Un peu le chef d'orchestre, je dirige un peu tous les projets, en réalité. Ok, voilà. T'as le rôle de chef d'orchestre un petit Exactement. Peu, pour que la mélodie sonne au mieux. C'est une très belle métaphore. Comment ça s'est passé du coup cette relation avec Arbat, cette arrivée sur Paris? Comment ça s'est passé? C'était il y a 2 ans et demi, j'avais plus beaucoup de temps, je me suis mis à la course à pied et j'ai des amis à moi qui montaient un café qui avait plus beaucoup de temps non plus. Et j'ai pris le truc un peu sérieusement, je me suis dit vas-y, je vous coach, alors que je venais de commencer. Et on a fait le semi de Paris, on était 8. Et en fait, à la fin du semi, tout le monde m'avait dit bah, c'est quoi la suite? Et je leur ai dit bah, il n'y a pas de suite en réalité. Et on m'a dit si, il faut une suite, il faut une suite. Du coup, j'ai dit bah, venez, on fait le 10K Adidas qui était genre 12 semaines plus tard. Et on est passé de 8 à 27. Et j'étais ok, il y a de la croissance. Passé full time running après ça. Ok, t'as voilà. Tout lâché. J'ai tout lâché, mais enfin, ça a mis 6 mois en réalité de tout lâchage. Ok, voilà, c'est un beau mot français. Mais la croissance était exponentielle. La croissance était exponentielle dès le début. En fait, ça faisait 8, 27, 51, 61. Et ensuite, ensuite, il y a eu toute une structuration, mais en fait, il y avait une croissance dès le début. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va passer full time dessus et on va essayer de faire grossir une audience que l'on monétisera à terme. Ok. Voilà. Et tu étais quand même dans cette mouvance de post-Covid, le nombre de crews qui explose. Qu'est-ce qui a fait que Arbat a explosé par rapport à d'autres crews? Comment toi, tu le vois de ton point de vue? En réalité, moi, je n'avais pas du tout ce regard genre, sur le running à Paris. Genre, moi, j'ai fait ça dans mon coin, je connaissais un peu personne en réalité. Et pourquoi ça a marché? C'est parce que je pense que je suis allé full time sur ce truc assez rapidement. En réalité, dès septembre 2023, genre, toute mon énergie elle était dans ça. Et il y a très peu d'autres personnes qui étaient full time dans ça. Et actuellement, Arbat, en vrai, c'est autofinancé. En réalité, il y a plein de projets avec plein de marques, mais il n'y a pas besoin de marques pour que ça vive. Et si on a atteint cette phase, c'est parce que vraiment, je pense que j'ai mis toute mon énergie et que j'ai vu ça comme un travail en réalité, comme un vrai travail. Il y a peu de gens qui voient le running, enfin la création de structure dans le running comme un vrai taf en réalité. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, aujourd'hui, ça te demande un nombre de skills qui est vachement différent, que tu n'avais peut-être pas tous, lesquels tu as développé du coup pendant ces deux ans et demi que tu as passé full-time avec Arbat. C'est un peu pompeux, mais c'est un terme que j'ai un peu développé, enfin qui existe en réalité, mais c'est un peu l'ingénierie sociale. C'est un peu genre roder des... pas créer de toutes pièces des relations, c'est bizarre à dire comme ça, mais en fait, il y a certains tricks qui font que ça marche plus que faire grossir un crew en réalité. Enfin, putain, j'ai mal expliqué le truc. Mais en fait, c'est un peu l'ingénierie sociale, c'est comment... Faire connecter des humains entre eux. Exactement, comment faire grossir le réseau d'humains qui se connaissent, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi ce truc de plus ton crew il va grossir, plus le sentiment d'appartenance il va se diluer parmi toutes ces personnes-là. Il faut arriver à garder le noyau dur et un peu l'ADN du truc. Exactement, mais en fait, il y a un truc que moi, je traque beaucoup, c'est l'accroissement du noyau. En fait, il y a un truc que beaucoup de gens traquent, c'est le fait que le bord de la communauté, elle grossisse. Mais en fait, si elle grossit, mais que le noyau reste tout petit, il y a un peu ce sentiment de c'est super dur de rentrer vraiment dans le noyau. En fait, il faut que le noyau soit un truc un peu mouvant et dynamique, qui grossisse en fait, comme le bord de la communauté, et qui change en réalité. Faut pas que ce soit constamment les mêmes personnes, etc. Et ça, c'est un peu un travail un peu intangible et poreux, mais c'est vraiment quelque chose. Et je développe justement ces métriques dans mon application, etc. Quoi. Application qui, du coup, sert à quoi? Il est où, monsieur Marvin? Il sait très bien à quoi elle sert, cette application. En fait, c'est une application qui permet de mieux structurer je l'ai mal pitché, tu vois, alors que ça devrait être le truc que je pourrais pitcher super facilement. Ouais, L'ascenseur est arrivé, c'est-à-dire que là, les fonds n'arrivent pas dans le compte en banque. Non, en réalité, c'est une application qui permet de mieux gérer les clubs de running Et en fait, concrètement, pour les gens qui courent, tu arrives à Madrid, je sais pas, ou à Barcelone, en fait, c'est une application que je peux te montrer en live, et tu mets la localisation Madrid et tu vois où sont les run clubs autour de toi, où sont les marques autour de toi qui organisent des événements de running, où sont les personnes autour de toi qui permettent, enfin, qui courent. Une application qui s'appelle Please, on est en train de la rebrander Entropy. Et tu vois, par exemple, à Marseille, bah, il n'y a pas de run actuellement. Non, Marvin n'a pas créé de run actuellement. Mais que fait le RCC ? Que fait le RCC ? Oh ! Mais tu vois, la communauté, elle est créée sur RCC, elle est là, hop, hop, hop. Et ça permet de connecter. T'arrives dans une ville, t'es en voyage où tu souhaites trouver des gens avec qui courir. Exactement. Et là, par exemple, tu vois, il y a le run d'Arbat du mercredi prochain. Bon, pour le moment, il y a 34 personnes qui y vont. Et en fait, ça crée automatiquement les groupes de niveau. Donc, ça veut dire si une personne rejoint Arbat, genre sans connaître le running, elle s'inscrit sur l'application et directement, elle est mise dans le groupe de niveau. OK. Et en fait, ça permet de plus facilement... organiser du coup un run club. Et en fait, du coup, il y a un peu le truc un peu plus global, c'est ensuite faciliter la relation entre les marques et les clubs. Parce que du coup, avec une application qui permet de tout centraliser, bah, tu développes des metrics et tu peux plus facilement travailler avec des marques en mode voilà. Tu as de la data, tu connais les profils de tes coureurs. Complètement. Genre, à quel point ta communauté elle est décentralisée, ça veut dire combien d'événements sont créés par les membres non fondateurs, ça c'est important. La rétention d'une personne qui vient à un événement, qui revient à 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et en fait, là, il y a tout le dashboard concret et auquel aura accès M. Marvin, qui est juste ici. Ah oui, il aura accès à un dashboard, Marvin. Non, il sait pas ce que c'est. Si. voilà. Du coup, là, tu parles de ton application où ça permet de connecter notamment les gens avec les crews. Toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui des crews ? Parce qu'il y a certains crews, on parle de rivalité, que ce soit à Paris, Marseille. Il y a plusieurs crews. Il y a certains crews où on sent qu'il y a des petites rivalités. Des fois, c'est très second degré, c'est très bon enfant. Toi, quelle est ta vision ? Est-ce que c'est un gros mouvement et on fait grossir la bulle ensemble ? Ou est-ce que chacun a son truc ? Et il y a aussi cette notion de ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, je suis... pour justement faire grossir le marché tout ensemble, parce que si le gâteau grossit, bah, la part de chaque personne grossira. Donc moi, je le vois clairement comme ça, et mon application, elle va dans ce sens-là. Permettre à chaque personne de faire grossir son application et créer plus facilement justement des ponts entre les communautés. Et l'objectif de cette application, c'est aussi de mieux organiser les courses. Et actuellement, du coup, les gens, ils rejoignent des clubs brandés, mais moi, je suis assez certain que dans un horizon de 2-3 ans, les gens se rejoindront justement, mais pas pour des run clubs brandés, mais plutôt des run clubs à objectif. OK, c'est avec l'application, tous les gens qui préparent le marathon de Paris qui habitent dans le 17e, ils peuvent se rejoindre, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait un mec qui lead ça avec un branding, etc. Quoi. Mon objectif, c'est de décluster un peu tout ça et de rendre le run genre communautaire moins brandé, moins communautaire. Ouais. Et permettre aux communautés de mieux travailler aussi. C'est un peu cette double truc. C'est plutôt les marques qui viennent se pluguer sur ces choses qui existent plutôt qu'elles le créent toutes pièces. Ce qui était le cas il y a encore 5 ans en arrière où tu avais toutes les marques qui arrivaient avec leur community run et leur groupe de runners qui se retrouvaient chaque semaine. Exactement. Au final, il y avait moins ce sentiment aussi d'appartenance peut-être. Bah, en fait, exactement. Mais tu vois, je crois, hein, peut-être qu'on va me dire que ce n'est pas la vérité, mais beaucoup des run clubs... genre 2017-2021, genre Zoom, Arbès, VMA, etc., c'est des conséquences de Adidas Runner et Nike Run Club, je crois. Et parce qu'effectivement, ces clubs brandés marques étaient trop gros, et effectivement, au bout d'un moment, bah, ça crée des irréductibles gaulois qui disent « En fait, je ne me reconnais plus dans ce truc un peu énorme. Moi, je crée la section perf. » Et j'ai l'impression que tous ces clubs, effectivement, sont devenus des... Enfin, mais sont des conséquences de ces grosses... de ces gros mouvements orchestrés par des marques à la base. Je n'ai pas répondu à ta question exactement, mais... j'ai oublié ce que c'était. Non, mais on a capté l'esprit de... En gros, ces clubs qui étaient créés par des marques aujourd'hui se sont dilués un petit peu. Exactement. Avec des entités et surtout des personnes qui l'incarnent. Comme toi, tu peux incarner Abad, comme Marvin peut incarner RCC. Il y a aussi ce rapport humain où tu t'attaches à une personne, à une personnalité. Tu vas en parler et après, ça fédère autour de ça. Exactement. Et tu l'as pitché dans l'élévateur pitch du Arbat. Vous êtes affilié FFA. Exactement. C'était un choix voulu pour toi? C'était vraiment délibéré ou... Parce qu'on a beaucoup de crews qui ne sont pas des clubs. C'est un peu la différence crew-club, finalement. Exactement. C'est le passage en FFA où tu fais nager, tu as ton trésorier, etc. Exactement. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? J'en ai aucune idée. En fait, quand je suis passé full-time dessus, c'était le 1er septembre 2023, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait de la croissance un peu sur le club, mais qui n'existait pas encore. Mais les gens, il y a des gens qui voulaient venir au stade, mais ils avaient un peu peur du stade. Et à l'époque, on n'avait même pas de créneau. Et en fait, du coup, j'ai mis en place un social run, ce qui est un concept que tout le monde connaît, mais qui n'était pas extrêmement régulier à Paris. Je me suis dit, tous les samedis, il y aura un social run dans un café que mes potes ont créé, qui s'appelle Blondie. Et les gens pourront venir, comme ça, ensuite, ils découvriront un peu le concept, et ensuite, ils rejoindront le club. Et en fait, je me disais, c'est marrant, je ne peux pas pitcher à des gens que je ne connais pas dans un café, un club s'il n'existe pas légalement. Du coup, je me suis dit, attends, il faut que j'en fasse un vrai truc. Et moi, je pensais qu'en gros, pour monter un club, il fallait directement qu'il soit affilié à la FFA. Donc littéralement, le 27 septembre 2023, j'ai créé un club et je l'ai affilié à la FFA. Mais la réalité, c'est que pendant un an, il n'y avait pas de personnes qui étaient adhérents ou qui étaient licenciées. Enfin, il y avait 5 personnes pour qu'on puisse créer le club. Mais ce n'était pas un objectif premier. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais fait ça à l'époque. Juste dans mon esprit, il fallait que ça existe légalement. C'est un an plus tard, donc il y a un an, je fais « Ok, non mais si, c'est un vrai club, il faut développer cette partie-là. » Et ça fait depuis un an vraiment que c'est un club avec des adhérents. Et il y a des adhérents et au sein des adhérents, il y a des affiliés FFA. Genre, moi, je dissocie les deux. Exactement. Pour moi, il n'y a pas tout le monde qui a un intérêt d'avoir une licence FFA en réalité. Et le split, c'est quoi? C'est l'aspect plutôt compétitif, performance, ou aller, vous faites des déplacements après, je pense, avec le club sur des courses fédérales, sur des crosses, sur des championnats de France. Le seul truc, c'est ça, c'est les crosses en réalité en janvier. Et il y en a qui viennent un peu de sports style le football, le judo, et en fait, qui sont habitués à avoir cette licence de la fédération, mais ils savent pas trop pourquoi. Souvent, je dis, mais pourquoi tu l'as prise? Par réflexe, mais ça coûte 71 euros en plus, t'es pas obligé, par réflexe. Donc en fait, c'est pas un truc qui est très... Et j'en parlais à la FFA en réalité. Le running, ça fait plus je sais pas combien de pourcents. Les licences vendues par la FFA, ça fait plus 11%. Donc la FFA, c'est très bien qu'elle capture pas toute l'audience running. C'est pour ça qu'actuellement, elle essaie de se baquer un peu avec les run clubs, parce qu'ils captent que c'est eux qui capturent toute l'audience running, quoi. J'ai pas répondu à la question. Pourquoi j'en ai fait un club FFA? Je sais plus. J'ai répondu. Mais bout à bout, exactement. C'est un peu comme le parcours du MO, tu vois, ça serpente, exactement. Mais on y arrive. Et on y arrive, effectivement. Dans 2 jours. Oui. Tu cours, d'ailleurs. Je cours, effectivement. Sur le? Le 21. Ah oui. Ouais, mais okay. Vraiment, le mai. Il n'y a pas de mai. Il y a un gros pas mai. Pas de mai à Marseille. Mais je serai très chill en été. Moi, ça va être un jog un peu actif, tout simplement. Okay. Parce que là, sur les 3 dernières semaines, j'ai fait trop de courses. Okay, Marseille-Cassis, semi-drome. 20K de Paris, Aerox et un test VMA, genre sur tapis. Ouais, donc bien. Je suis carbonisé. Voilà, pour laisser les épingles à nourrice au placard. Exactement. Et on attend un peu les crosses. Mais Madame Sicotte nous a alignés sur une très belle course et on ne peut pas refuser. Eh oui, et parlons justement de ces courses où du coup, via Arbat, vous faites aussi des déplacements, tu l'as dit, sur différentes courses. Est-ce que toi, l'aspect course un peu locale à venir en bande dans justement Marseille, dans des villes un peu européennes, est-ce que ça a vraiment un goût particulier? C'est pas que pour la course, c'est un prétexte un petit peu à faire un beau déplacement. Bah ouais, mais en fait c'est marrant, j'ai un pote qui était en VU en 2021 qui m'avait dit, j'ai un pote récemment qui m'a dit, je sais pas si tu t'en souviens, mais en 2021 tu m'avais dit ce serait trop bien qu'on fasse des week-ends à thème sportif. Et j'ai fait ah ouais, je me souviens pas du tout. La réalité c'est qu'Arbat c'est genre basé autour de ça depuis le début. Du coup, sauf le semi où on était 8 en 2023, là, la réalité, c'est qu'on est allé à Venise, on est allé à Copenhague, on est allé à Marseille pour Marseille-Cassis, on est allé à Séville, on est allé à Berlin, on est allé à Rome. Et en fait, la vérité, c'est que des prétextes pour aller effectivement dans des villes, se reposer vendredi, samedi, courir le dimanche en pensant qu'on va se mettre bien, se déchirer le dimanche soir. En fait, on est trop KO le dimanche. Et la vérité, c'est qu'on fait vraiment la fête le lundi soir, quoi. Trop bien. Mais effectivement, c'est des prétextes pour aller dans des villes. C'est un type de voyage trop bien. Et là, par exemple, on est... je crois 40 du club allait à Barcelone le 15 mars pour le marathon et on est genre 25-30 allait à Madère le 26 avril pour le trail, le mute. Ouais, le mute. Et l'aéroport, il s'appelle l'aéroport Cristiano Ronaldo et ça, c'est canon. On va se régaler. Allez, trop bien. Ça va faire comme ça en arrivant sur l'aéroport. L'agence de voyage Arbat. Exactement. Peut-être. En fait, c'est un business model auquel j'avais réfléchi, mais ça me plaît pas du tout. Enfin, je trouve ça trop complexe, etc. Donc, vraiment pas focus du tout dessus. Mais effectivement, ça serait intéressant. C'est lié. Merci Adam. Question Massilia, ma belle, on y va avec ton lieu dont tu te lasses pas à Marseille, mais on ne sait même pas si tu es déjà venu à Marseille. Je viens de manière très récurrente à Marseille. Ah, alors, ton spot. Mon frère, il joue au foot au FC Côte Bleue en National 2 ou 3, je ne sais plus ici, donc je connais un petit peu. Mon spot, j'aime beaucoup, mais c'est très facile de dire ça, mais je kiffe Pétrin-Couchette en été, c'est assez archi bon, j'aime beaucoup. Deep, c'est très bon aussi. Le Sofitel qu'on voit d'ici, ils ont un petit rooftop pas mal et ils ont un spa très bien. Et le rooftop, il est cool pour lire tranquillement. Ouais, voilà. Très précis. Hein. Exactement. Les yeux brouillés un peu secs, mais ça. La mercerie aussi est très très bon, j'aime beaucoup. Et du coup, maintenant, tu vas me donner une adresse secrète que tu vas devoir partager. À Marseille? Ouais, si quelqu'un te dit tu peux pas quitter Marseille sans passer par... Jogging. Okay. Jogging Marseille. Okay. Adresse absolument pas secrète, mais super adresse. Génial. Ah non, c'est autre chose. C'est plutôt... ça s'appelle la Jogging House, c'est à Samena. Et c'est un endroit absolument magnifique où on a fait un événement avec On le 26 octobre 2024 pour le Marseille-Cassis, on l'avait privatisé. Et c'était un petit cabanon magnifique, très Marseille vibe, mais vers les Goudes. Et c'était trop canon, faut à tout prix aller là-bas, faut à tout prix réserver pour y aller en couple ou avec des potes, c'est magnifique. Ok. Voilà. L'agence de voyage qui. Oui, ça place. Qui continue. Le son qui tourne en boucle dans tes oreilles en ce moment, c'est. Je l'ai donné, mais dis-toi, il tourne tellement que je connais plus le son. C'est Aleman, je crois. Je l'écoute constamment. C'est Joker. Ouais, voilà, c'est Joker. Ce son, il me matrix complètement. C'est Salsa. Oui, c'est Salsa et c'est Salsa de Joker et Aleman. Je l'écoute constamment. Et c'est vraiment, tu peux voir à quel point j'ai un rapport obsessionnel à ce son. À chaque fois, je le répète. Oui, oui, ça va pas là. Ouais. Il faut consulter. Il faut consulter. Et l'Europa post-MO dimanche soir? L'Europa League, mais c'est quoi? Post-course. Ah, le repas. Ouais, le repas. L'Europa League. Ouais, j'étais massacré là. Je crois que le repas post-MO, il est, c'est Marvin et Laurie qui nous ont préparé une folie, non? Ouais, je crois. Hein. Voilà, c'est Maison des Nîmes. Ah. Des Nîmes? Nîmes? Nîmes, Maison des Nîmes. Okay. On va se régaler, Maison des Nîmes, rue d'Aubagne. Ok. Ce sera son anniversaire, ce sera l'anniversaire de Monsieur Manoukian. En plus, on espère qu'il il régale, il a dit. On prendra l'appareil, on le photographiera. C'est noté. Merci Adam, bon courage pour dimanche. Merci beaucoup. Tu vas te régaler, j'espère. Avec plaisir. Merci. C'est le plat de résistance, c'est bien. Ceux qui courent le MOE, c'est pasta. Pasta ou riz, on fait pas de folie. Attention les crudités, c'est dangereux. À 48 heures de la course, Marvin pourra vous en parler. Il y a quelques soucis qui peuvent arriver 48 heures après. On reçoit Marvin, cofondateur du Running Club Catalan. On a reçu Adam, un Parisien, avec le Arbat Running Club. Ici, le Running Club Catalan. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros running crew marseillais? C'est le moment ego trip. Vas-y, balance. Bonsoir tout le monde. On peut dire que c'est un crew très important à Marseille. Si ce n'est le crew avec le plus de personnes qui viennent courir, ouais, on peut le dire. Ok. Pareil, elevator pitch. On y va. T'as 30 secondes. Qu'est-ce que le RCC? Le RCC, c'est le Running Club des Catalans, un club qu'on a monté avec des potes. Big up à Max, à Dylan, Vincent et Adrien, qui étaient à la genèse du projet. C'est un groupe où tout le monde sur groupe, tout le monde court. On accepte tout le monde, on se rejoint les mardis, on kiffe, on court sur la corniche, on monte à la bonne mer. Voilà, on prend Marseille comme terrain de jeu. Et c'est aussi un club où on se marre, on se fait kiffer, comme la web radio ce soir. Franchement, c'est un gros kiff. On est entouré, on a la chance d'être entouré de personnes vraiment brillantes dans le club, qui font vivre le club. Et voilà, on se fait kiffer, on fait de la course, on fait aussi la bringue, et on essaye de mettre des choses en place, en tout cas pour que tout le monde trouve sa place et que tout le monde kiffe à son envie. Et voilà, c'est un club qui est vraiment ouvert, donc Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et voilà, je pense que ça résume plutôt bien. C'est assez cool. Et c'est vrai qu'on peut dire que vous avez tous plutôt bien bossé parce que le crew, il est assez jeune. Et pourtant, si on a déjà un petit pied dans le running et qu'on fouine un petit peu, qu'on aime bien ça, le RCC, ça commence à faire du bruit un petit peu partout en France. Et ça, c'est très cool de vous voir. Toi, qu'est-ce qui a justifié avec tous tes potes l'idée de ce crew? Est-ce que c'était... un manque de représentativité des crews marseillais? Est-ce que vous ne trouviez pas votre place dans l'offre un petit peu marseillaise ou c'était juste pour concurrencer Paris, en fait? Ouais, je pense qu'au tout départ, le but, c'était juste de se rejoindre et d'aller kiffer en groupe, d'aller courir en groupe. Et puis on est parti d'un constat assez simple. On n'a pas trouvé de run club à Marseille. Alors, il y en avait hein, qui existent toujours d'ailleurs. Mais c'était des clubs peut-être un peu plus vieillissants, des clubs qui étaient déjà un peu bien rodés. Il manquait un peu cette nouvelle énergie et cette vision un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Donc voilà, quand on a regardé, il n'y avait pas de club. Donc on s'est dit, OK, pourquoi pas structurer un peu la chose, faire de nos rencontres du mardi quelque chose d'officiel et essayer de grandir avec un groupe et de professionnaliser un petit peu la course à pied sans vouloir vraiment... rentrer que dans la perf ou ce genre de choses. Mais voilà, l'idée, c'était de structurer et de se dire, voilà, pourquoi pas on monte un club, il n'y en a pas, et allons faire le premier sans... On n'avait pas vraiment... Tout départ, on n'avait pas d'attente et on ne pensait vraiment pas arriver là où on en est, surtout aussi rapidement. Mais voilà, au départ, ouais, c'était juste courir entre potes et je me souviens très bien, le coach que vous avez entendu tout à l'heure, on l'a rabattu dans la street un mardi soir. Il courait, on l'a arrêté, on lui a dit viens courir avec nous. Il s'est foutu de notre gueule parce qu'on s'appelait les Catalans et qu'on n'était pas espagnols. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et au fur et à mesure, les gens nous ont rejoints. Et aujourd'hui, on est le plus gros club de Marseille. Pardon, excuse-moi. Aujourd'hui. On coupera pas du tout au montage, merci. Au final, on peut dire que la sauce, elle a pris, puisque aujourd'hui, vous êtes combien d'adhérents au sein du club? Aujourd'hui, on a bloqué les adhésions à 100 adhérents, tout simplement pour une gestion plus simple, notamment sur les entraînements de piste, et aussi pour essayer de garder une cohérence avec les personnes motivées. Mais en tant que club ouvert, alors là, on est plus de 1000 sur le WhatsApp aujourd'hui, ça regroupe beaucoup de Marseillais parce qu'on a différents thèmes à l'intérieur. Voilà, et le club reste toujours ouvert le mardi, donc on peut facilement atteindre 100, 120, 130 personnes le mardi. Et on a donc 100 adhérents, donc ces 100 personnes-là ont cotisé cette année pour avoir le coach, le programme du coach et un accès à la piste. Okay. Donc, ouais, ça commence à se structurer petit à petit. On voit aussi que vous activez avec différentes marques aussi. Les marques sont intéressées par votre profil qui est jeune, qui est dynamique, qui apporte. Voilà, c'est un peu ce running un petit peu 2.0 ou post-Covid, je trouve, qui amène un vent de fraîcheur. Vous, au sein du club, comment vous gérez ça, ces approches de marque? Est-ce que c'est vous qui avez des idées, vous allez les pitcher à des marques, ou c'est plutôt elles qui viennent en disant voilà, on est on, aimerait faire quelque chose avec vous, on vous trouve très cool? Je pense qu'au tout départ, les marques étaient assez frileuses de venir sur Marseille. Elles n'y trouvaient pas un grand intérêt. Donc, c'est nous qui avons commencé, en tout cas, à faire les premiers pas. Ça n'a pas matché. Puis, naturellement, au fur et à mesure que le club a grossi, on s'est aperçu, et surtout grâce à l'énorme travail de Pierre Levaillant, dédicace à toi, mon ref, parce qu'en termes de DA, c'est toi aussi qui nous met... qui nous permet d'être visible en tout cas sur le terrain national, international, via les réseaux. Donc c'est surtout avec un gros boulot DA que les marques ont commencé à nous contacter. On s'est jamais fermé de porte. Ce qu'on kiffe, nous, effectivement, c'est créer nos propres projets à notre identité marseillaise, c'est de faire rayonner la ville et faire rayonner nos adhérents. On a une typologie d'adhérents qui est vraiment différente. On a vraiment de tout. Des compétiteurs comme des non-compétiteurs, des gens qui commencent tout juste la course à pied, des jeunes, des vieux. C'est vraiment open. Donc on se ferme aucune porte et c'est nous qui choisissons vraiment comment est-ce qu'on va amener le projet quand une marque nous contacte. Et aujourd'hui, voilà, il y a certaines personnes, dont moi, qui sont rattachées à certaines marques. Donc voilà, ça a jamais été un problème pour le club en tout cas. Le club arrive à vivre et à faire différents projets avec différentes marques parce que chacune des marques aussi a sa propre culture, sa propre vision, et je pense que tous les projets ne collent pas avec toutes les marques. Donc voilà, aujourd'hui, cette année, ça a été une belle gestion en tout cas sur ces différents événements, et on a bien réfléchi à si on continue avec une seule marque ou avec plusieurs. Parce que bah, y a des avantages comme des inconvénients à tout ça, et que ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir faire des événements à la hauteur, en tout cas des attentes, et aussi à la hauteur de nos attentes, ouais, de nos adhérents. Qui colle à votre image aussi, pas accepter tout pour... Juste pour accepter, donc ouais. Nous, l'idée, voilà, c'est que ça reste en tout cas notre identité, notre projet à 100%, et que derrière, voilà, tout le monde puisse prendre du plaisir. De fou. Et vous avez été impliqué, notamment le RCC et toi un peu plus également sur la partie du MOE. Tu peux nous parler déjà de toi, de ta relation avec ce MOE. On sait que PA, Pierre Alexis qu'on a reçu, est toujours d'ailleurs membre du RCC. Hein, c'est, ouais, toujours. Donc il y a aussi un lien, je pense, de donner de la force à un copain. Mais comment toi, tu as cette relation avec le MOE qui s'étend et qui s'est vraiment enraciné sur cette deuxième édition? À nous, ça nous fait kiffer d'avoir une course à la maison. Donc forcément, PA, qui est un mec du club, l'année dernière, c'était sa première édition. Il a donné beaucoup de passe-droit, en tout cas, au club. On pouvait s'installer où on voulait. On avait le ravito pour nous, pour faire notre cheer zone. Donc voilà, je pense que c'est un échange mutuel. On veut, comme tu dis, donner de la force à tous et en tout cas essayer de faire rayonner tout le monde, surtout à Marseille. Donc voilà, donc nous c'est toujours un plaisir en tout cas. Dimanche, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs, mais il y a aussi pas mal de personnes mobilisées pour la cheer zone. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire les bénévoles aussi sur la course. Donc nous c'est un vrai kiff. On a deux courses à la maison, dont le MOE qui est encore tout jeune et qui plus est créé par le pote. Donc voilà, c'est une relation toujours un peu particulière et un sentiment vraiment un peu d'appartenance parce qu'on court dans notre ville. Vous avez envie de faire bien les choses aussi. Voilà, on veut faire bien, on veut accueillir les gens, on veut leur montrer qu'ici, il y a une belle partie running, il y a une belle ville, et il y a surtout une très belle énergie dans le monde de la course à pied. Et moi particulièrement, donc c'est un événement qui est rattaché à la marque On. Donc forcément, j'ai aussi envie de mon côté de pouvoir créer des choses à l'image de Marseille, mais qui matchent bien aussi avec la marque. Et voilà, donc on a bossé un peu sur tout ce qui va se passer ce week-end, notamment cette web radio. Mais bon, ça rejoint un peu tout ce que je disais un peu au départ. On se fait kiffer et l'idée, voilà, c'était de comment réussir à faire kiffer tous les participants de cette course, ou en tout cas les personnes qui ont des dossards et les personnes qui vont passer aussi le week-end à Marseille, à travers un événement de course à pied qui de base pourrait paraître fermé et élitiste qu'au sportif, alors que pas du tout. Donc on a réfléchi. Avec Laurie notamment, à comment essayer de regrouper un maximum de monde pour que tout le monde passe un bon moment. Et tout ça, bah, c'est lié avec à la course au MOE. Donc voilà, ça va être une belle fête en tout cas ce week-end. Ouais, l'idée, c'est une belle course de fin de saison. C'est vrai que vous avez Marseille Classic et un classique. Là, on est sur un urban trail où ça regroupe une diversité de coureurs qui est vachement, vachement cool à voir. Et beaucoup de gens viennent aussi juste pour découvrir Marseille autrement et avoir toutes ces routes ouvertes aux runners uniquement, c'est assez cool. Et du coup, on peut donner rendez-vous aux gens également demain, ici même, là où on est en train d'enregistrer au Café du Fort, parce qu'on a pas mal d'activations. Exactement, ouais, on leur donne rendez-vous demain à partir de midi. Alors, pour tous les chanceux qui ont pu s'inscrire au check-out avec Baptiste, on se voit à 10h. Mais sinon, tout le monde est convié, effectivement, à partir de midi. Il y a plusieurs surprises, il y a plusieurs activités au Café du Fort, donc au Fort Saint-Jean. On y sera toute l'après-midi. Il y a une performance artistique live. Voilà, nous on est ravis en tout cas de vous accueillir ici. Il y aura des petits cadeaux pour tout le monde, donc n'hésitez pas et surtout gros bordel à la cheer zone dimanche, esplanade de la Tourette, juste à l'entrée du Fort Saint-Jean. On va encourager tout le monde du premier au dernier, donc comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, on se rejoint en tout cas soit ouais. Demain soit dimanche pour les supporters. Accrochez votre slip dimanche si vous passez dans la fan zone, ça va se crouiller. Ça va être des gaines comme on dit. Massilia Mabel, on y va pour finir. On y va. Ton lieu dont tu ne te lasses pas sur Marseille. Le Welcome. Allez. Tu peux pas quitter Marseille sans passer par. Le Welcome. Non, tu peux pas quitter Marseille sans passer par. Loulou Monsieur Glace et son petit café sur la corniche face soleil. Le son qui tourne en boucle en ce moment. En ce moment, le son qui tourne en boucle, c'est Timar FDT. C'est l'hiver, il fait sombre, j'ai une ambiance envie un peu violente. Et enfin, le meilleur repas post-MOE, dimanche après-midi ou soir. Oh, je pense que ça va grailler du Ricard. Hein. Allez, au repas égyptien. Ouais, un petit Ricard, et puis voilà, puis on s'en mettra peut-être un deuxième pour le dessert. Pour le dessert, ouais. C'est un menu en 7 plats, je crois, hein, dimanche d'ailleurs. Hein. C'est gastro. Hein. Dimanche, c'est très gastro. C'est gastro dimanche et du coup, c'est gastro lundi aussi. C'est gastro lundi aussi, ouais, c'est un week-end full gastro. Mais c'est férié mardi, donc allez. Pas grand problème. Merci Marvin. Merci, avec grand plaisir. Et attends juste deux secondes avant de quitter l'antenne. Dédicace du coup à tous les gars là, qui bossent avec WAM sur le club. Franchement, c'est une dinguerie tout ce qu'on fait, les gars. Merci beaucoup à tous. On bosse ensemble et il y a vraiment des gens de ouf dans ce club. Donc, je vais pas citer tout le monde, sinon on perdrait trop de temps. Mais dédicace en tout cas à vous tous, dédicace à la Bretagne, aux darons qui écoutent aussi. Maman, maman, on fait ça pour toi, ça tue. Dédicace aux jeunes darons, Alex aussi et son fils Max. Voilà, comme je te disais, il y a plein de profils dans le club. Et voilà, merci, et dédicace à tout le monde et dédicace à la team Joule. Merci et ciao le RCC. La tequila de la ville, faut que je prenne, faut que je fuis. D'où je viens, c'est mort, c'est cuit. Ça fume de la cocaïne cuite. Sauce piquante sur mes vis. Complé et billet, doigt plein d'huile. Dans sa gorge, crache mes petits. Et tout ça pendant que je conduis. La cartera, la yenne. Oye, mami, que lo que. Ma bébé, c'est boulot grande. Va ponerle dólares. Sauce, todas mis cadenas llenas de los diamantes. Por eso la baby chupa cuando voy al volante. Non, vis sans faire de bruit. A chaque shoot, j'mets les switch. 3, drop. Dans la suite, voiture allemande, montre suisse. Charlie fait trembler tes cuisses. Sous John Lennon dans les 60s. J'vais mourir, j'veux tout et tout de suite. C'est toujours chaud là où j'suis. 13 bitches et mes juifs. 4 bails de bas mes briefs. 5 gramos de mes weed. 16 AM la Paris. Sur la roca, Bibutin. Ella dice, eres mi king. La llevo pas fashion week. Pas comprar chaîne Gucci. L'amour est dans ma tête. Depuis j't'en bordel. Plus j'me rends respect. Où je fais une paix, un jour j'aimerais connaître la paix. Mais le nerf de la guerre m'appelle. Tous les jours je les pèse. Ne t'inquiète pas mon bébé. La viene, oye mami, que lo que mueve ese culo grande, va a ponerle dólares. Sos todas mis cadenas llenas de los diamantes. Por eso la baby chupa cuando voy al volante. La tequila de la vie, faut que je prenne, faut que je fuis. D'où je viens, c'est mort, c'est cuit. Ça fume de la cocaïne cuite. Sauce piquante sur mes vis. Complé et billet, doigt plein d'huile. Dans sa gorge, crache mes petits. Et tout ça pendant que je conduis. 13 bitches et mes juifs. 4 bails de bas, mes spliffs. 5 gramos de mes weed. M en la Paris, suena roca mi butín. Ella dice eres mi king. La llevo pa' fashion week. Pa' comprar chaîne Gucci. Vis sans faire de bruit. A chaque shoot, j'mets les switch. 3 drop dans la suite. Voiture allemande, montre suisse. Charlie fait trembler tes cuisses. Sur John Lennon dans les 60s. J'vais mourir, j'veux tout et tout de suite. C'est toujours chaud, là où j'suis. La pérenne, le bout de jingle. Des barrios rey. Allez, welcome back RCC Web Radio. Un point horaire, 19h36, tranquillement. On est sur le plat de résistance et on enchaîne avec. On voulait vraiment mettre en avant l'esprit Marseille. Qu'est-ce que l'esprit Marseille? On a cherché longtemps, Marvin a fouiné dans tous les bars et alentours de Marseille. Il a trouvé Alex du magasin Saison Shop. Magasin qu'on vous invite à aller voir. C'est vrai qu'on l'a pas encore cité dans Massilia Mabel, mais. Un profil assez unique, tu nous en parlais plus un petit peu, Alex. Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter ce qu'est Saison, ton petit bébé ? Bonsoir à tous. Du coup, moi, je suis Alexandre Zamora, le fondateur de la boutique Saison, située sur Marseille, au 5 rue Francis Dapsau, qui a été créé en 2020. Et voilà, pour faire court, c'est un magasin qui regroupe pas mal de marques avec des sélections limitées. Et voilà, le concept, c'est justement d'avoir des produits que vous retrouverez pas ou peu dans d'autres boutiques en France, en Europe. Donc voilà, c'est l'idée de pouvoir se vêtir, mais sans retrouver toute la ville avec les mêmes tenues, quoi. Ouais, l'idée, tu vas chercher de la marque un peu niche, un peu tendance. Et c'est vrai que c'est des concepts qu'on voyait beaucoup à la capitale. Je pense que tu as été beaucoup inspiré à la capitale. C'est et ça, complètement. Pourquoi tu voulais le rattacher à Marseille? Ben, parce que déjà, avant d'être fondateur, je reste un client aussi. Et voilà, on a eu, je pense, beaucoup, beaucoup de frustration pour ceux qui sont vraiment des passionnés du produit, de la mode. Et voilà, c'était soit devoir aller sur Paris ou dans d'autres grandes capitales. Bon, après, il y a eu Internet qui est arrivé, donc ça a aussi facilité pas mal de choses. Mais ça a généré quand même, voilà, cette frustration de pas avoir le produit en main, pouvoir le toucher, pouvoir l'essayer. Et donc, voilà, ma principale envie, c'était en créant cette boutique, de pouvoir acquérir des marques, justement, qui n'étaient pas présentes sur la ville, ou très peu, en tout cas. Et pouvoir justement déjà me faire ce kiff personnel. Ouais, c'est déjà un petit plaisir de gosse ou d'ado. Exactement. Et puis je sais quand même qu'il y a quand même un bon noyau sur la ville qui raffole aussi de ce genre de produits et qui sont très contents au final de les retrouver, que ce soit chez moi ou chez des confrères aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu aurais pu faire un CTRL-C, CTRL-V de ce qu'on pouvait retrouver à Paris, mais tu l'as tourné un peu à la sauce marseillaise aussi? Comment t'as apporté cette touche du sud, du coup? Ben, c'est voilà, nous, c'est vrai que notre force, on va dire, et on s'est vraiment distingué à travers notre communication aussi, surtout, où voilà, on est très, très proche de notre communauté, que ce soit à travers les activations qu'on fait, où vraiment, voilà, c'est ouvert à tous, tout est gratuit, la food, les drinks. Voilà, on fait beaucoup de collaborations aussi, et dans lesquelles on essaye toujours à travers le design de mettre toujours un petit clin d'œil sur Marseille. Et les marques aussi, voilà, c'est un peu le deal qu'on a quand on fait des collabs, d'avoir cette liberté à travers notre contenu, à travers notre design. Et voilà, jamais oublier d'où l'on vient. Et au final, on est, je pense, aussi au bon endroit, au bon moment, dans cette ville qui commence à avoir de plus en plus la lumière, où les marques activent de plus en plus également, mettent des budgets sur les activations, sur la communication. Donc voilà, c'est tout ce package qui fait qu'on est très content d'être là et de voir que notre communauté grandit, mais que la communauté marseillaise tout court grandit, les gens qui viennent s'installer aussi, qui arrivent avec leur culture. Et voilà, quoi, je pense que Marseille, on est très content de l'évolution de la ville. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est déjà un beau succès puisque les marques te font confiance. T'as des capsules, des collabs qui sont uniques avec Saison. Certaines marques t'ont fait confiance et c'est aussi une preuve de leur envie de s'imprégner de cette culture marseillaise dont t'as le secret et dont t'arrives à apporter sur chaque produit quelque chose de différent. Bien sûr, ouais, bah justement, c'est cette confiance qu'on a réussi à gagner de plus en plus de nos marques. Bon, maintenant, on est vraiment sollicité de plus en plus pour ce genre d'activation. On rentre encore de très belles marques prochainement. Voilà, je pense qu'il y a que du bon pour le futur de la ville. Je l'espère aussi pour le futur de Saison. Et puis, du coup, ben voilà, ça sera que du bon pour les Marseillais, pour ceux qui viennent s'installer. Et puis, voilà, en espérant qu'on aille tous dans le même sens pour kiffer tous ensemble. En tout cas, il y a une belle dynamique avec les différents acteurs qu'on a déjà eu là sur la radio, c'est assez cool. On a parlé d'une de tes passions, qui est le beau linge, mais tu as aussi une autre grosse passion, qui est le sport, et plus particulièrement le vélodrome, non ? Oui, bah forcément, en tant que Marseillais, je pense que voilà, en l'ayant pratiqué aussi plus jeune, forcément, on a ce lien naturel au vélodrome et à l'OM, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de raccrocher à la boutique. On est revendeur aussi des maillots à la boutique. On n'est que très peu de magasins lifestyle à avoir accès à ce genre de pièces. Donc voilà, il y a cette connexion naturelle qui est faite à travers l'équipementier, à travers le club, où il y a encore de belles lignes à écrire ensemble, je l'espère, pour le futur. Et oui, bien sûr que c'est dans le sang, comme on dit. Viscéral. C'est un truc viscéral que vous avez à Marseille. Il y a un truc... Tu peux pas l'enlever, quoi. C'est un tatouage. Ouais, c'est ça. C'est dans le cœur. C'est une victoire. Toute la ville se porte bien. Une défaite, on a tous le visage fermé. C'est voilà. C'est à vivre. C'est à faire. Et je pense qu'on peut que être raffolé d'aller dans ce stade dès qu'on le peut, bien sûr. Et si on étend un petit peu cette sphère sportive, Marseille, qui est une ville sportive. Toi, comment t'as vu cet essor de tous ces runners qui sont sur la corniche, qui montent à Bonne-Mère, etc. Comment toi, tu l'as vu et comment tu l'as intégré aussi au sein de Saison? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton choix de référencement et t'as pris en compte cette tendance-là où le running est devenu, on peut dire, c'est devenu fashion, le running? Ouais, bien sûr. Bah après, voilà, je pense que comme tous, on sait aussi que l'épidémie de Covid a aussi créé cet engouement autour de ça, avec l'envie de sortir, c'était un peu le seul prétexte pour qu'on puisse sortir avec une autorisation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans pour avoir cette excuse-là et au final qui ont certainement pris goût et puis ont croisé des personnes, créé des groupes et au final c'est voilà, on a vu aussi à Marseille je pense que ça a toujours été présent quand même de façon naturelle, peut-être individuelle. Et justement, cette période-là a permis des regroupements, la création de clubs aussi. Moi, je trouve ça ultra cool qui se passe ça. Pareil, ça va dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça amène vraiment une vraie lumière sur la ville avec de très, très belles marques qui activent. On l'a encore vu aussi avec Marseille Cassis cette année qui, je pense, qui a jamais fait autant de bruit, autant de participants et autant de belles images. Donc, bah oui, forcément, en tant que boutique où on se doit aussi d'être à la page et à l'actu, on est obligé de prêter attention à ça, avec des partenaires aussi qui intègrent de plus en plus le lifestyle de façon volontaire à travers les designs, des matières, des fois un peu différentes de la course. Mais nous, on est très contents de faire partie de cette histoire-là, d'avoir des marques qui font à la fois de la perf et du lifestyle, parce qu'il y a un lien naturel qui est évident entre les deux, et on est très contents d'être là-dedans, bien sûr. Ouais, il y a ce lien qui se fait de plus en plus entre le lifestyle et cette partie running. T'es arrivé avec une belle paire aux pieds, t'as une paire de On Running en collab avec Post Archive Fashion. C'est ça. Toutes ces petites collabs, je pense que t'en es hyper friand, et c'est aussi quelque chose que les gens, je sais pas si tu l'as senti, te demandent de plus en plus, où il y a vraiment une hype de plus en plus autour de ces produits-là. Ouais, complètement, complètement. C'est pour ça que c'est super intéressant que les marques propose des capsules un peu plus dédiées à des boutiques comme Saison, où justement ça permet aussi de toucher un consommateur en plus, je vais dire, parce que c'est ça la force, c'est de pouvoir garder concerné le client perf, parce que la technologie reste présente et la marque reste la même, mais avec des collaborations, avec, comme je disais, des matières des fois qui viennent totalement modifier un modèle initial qui existe en gamme perf. Et c'est là où, justement, nous, on prend notre intérêt là-dedans, avec une communication différente, avec des outfits lifestyle. Et voilà, je pense que c'est le vrai lien qu'il va y avoir entre le sport et le lifestyle. Et tu le vois évoluer d'année en année, là, encore? Tu penses que la bulle, elle est encore en capacité de grossir? Pour moi, je pense que le running, c'est quelque chose qui est vraiment installé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une hype. Non, je pense que c'est présent. Je pense que c'est le futur aussi, que ce soit dans nos choix business pour un commerce, ou que ce soit dans la tête des gens qui vont peut-être se lancer demain dans le running. C'est quelque chose qui est présent. Ça, c'est, j'en suis persuadé, oui. Et du coup, toi, comment tu vois cette arrivée aussi on a parlé de ces magasins un peu plus niche comme le tien qui sont arrivés sur Marseille, il y a l'arrivée de ces crews. Avec notamment le RCC. Est-ce qu'il y a une volonté aussi avec Saison Shop d'être un lieu de rassemblement? Est-ce que tu as des projets peut-être de lier ces crews-là, d'avoir ton propre crew? Est-ce qu'il y a des choses qui chauffent comme ça? Après avoir notre crew, franchement, honnêtement, je pense pas. Je pense que si on avait déjà dû le faire, on l'aurait déjà fait. Parce que, voilà, comme je disais aujourd'hui, moi, je pense que, comme je disais, le running, c'est quelque chose d'installé. Il y a eu cette période, peut-être il y a encore 2-3 ans, où est-ce qu'on se disait est-ce que c'est juste quelque chose d'éphémère, et je pense que si on l'avait fait, on l'aurait fait à ce moment-là. Mais je suis pas un coureur, donc je veux pas me raconter d'histoire, surfer sur quelque chose qui n'est peut-être pas nous authentique. Donc autant laisser des vrais clubs où c'est leur passion, où il y a ce côté réel que les marques aussi justement peuvent s'exprimer à travers ces clubs-là. Et je veux pas justement qu'on surfe ça, sur ça. Donc c'est pour ça que oui, c'est bien sûr intéressant sur des opérations de se raccoler à un club. Alors le RCC, pour le coup, on a déjà fait une activation ensemble. C'était, je crois, sur l'arrivée du Speed Project, je crois, 2024, si je dis pas de bêtises, avec une autre marque. Mais le lien naturel est fait avec ce crew. Bien entendu, de toute façon, la porte n'est jamais fermée pour personne. C'est selon les opérations et les marques en commun qu'on pourra avoir sur chaque projet. Mais nous, on respecte bien sûr tous les clubs, et c'est important que ça va dans le sens toujours de la ville, comme je disais tout à l'heure. Hein. Au plus il y a de d'engouement, au mieux c'est. Trop bien. Du coup, tu l'as dit, tu l'as mis à mi-mot. T'es pas coureur du tout? Non, je suis football. Ok. Je suis football, mais je. Après, voilà, honnêtement, j'ai très peu de temps. Je travaille énormément. J'ai ma femme, mes enfants aussi. Donc, j'ai des petits passe-droits pour l'OM. c'est rarement. Ça m'est déjà arrivé, bien entendu, avec des copains de temps en temps, mais ça reste occasionnel. Ok. Et du coup, toi, ce MOE, du coup, tu le vois d'un point de vue commerçant, local, peut-être spectateur, je sais pas si dimanche tu seras, tu auras le temps peut-être de venir voir. Ouais, dimanche, c'est fort copains. Possible que, voilà, que je passe une tête parce que je suis là, il n'y a pas de match. donc oui, non, c'est fort possible que je passe encourager les copains. Et puis voilà, hein, c'est pareil, c'est encore ultra cool qu'il se passe quelque chose. Encore un week-end sur la ville, voilà, c'est cool parce que même l'évolution de ces deux dernières années, Marseille c'était très chaud l'été, vraiment, voilà, on va dire une grosse partie de la France présente, même Europe, et c'est cool de voir qu'il y a une continuité, même là sur l'automne, hiver, que les marques injectent quand même, activent encore, les crews aussi, donc si ça peut à terme être ça toute l'année, je pense que tout le monde signe, donc non, c'est très cool, ouais. Trop bien. Bon, bah on t'accueille à bras ouverts sur la cheer zone dimanche pour hurler sur nos coureurs du MOE. Carrément. On passe à la rubrique classique, Massilia, ma belle, les questions un petit peu en bullet point. Toi, ton lieu dont tu ne te lasses pas sur Marseille ? Mon lieu dont je ne me lasse pas, en vérité, la zone où il y a la boutique, parce qu'au final, tout le monde se connaît. Voilà, tous les jours, c'est un éternel recommencement, mais en fait, on se réveille toujours avec le plaisir de croiser ses voisins, de croiser ses clients. Je passe tellement de temps dans ce coin-là que voilà, il vaut mieux que je l'apprécie. Ouais. Donc c'est pas une donc oui, dans mon quotidien, c'est ce centre-ville qui nous permet de se retrouver avec tous les copains un peu tous les jours. Ouais. Trop cool. Et si quelqu'un on a pas mal de coureurs de Paris qui viennent, si tu peux pas quitter Marseille en passant par quel endroit? Un endroit iconique. La boutique déjà passée oui, par saison. Bah, déjà allez, saison pour, placement produit. On va venir faire le petit coucou. Mais franchement, en coin, non. Je conseille, en revenant encore au sport, et je conseille franchement l'OM forcément à vivre, le Stade Vélodrome. Et même, il y a un sport qui m'a vraiment mis une gifle. C'est le hockey, en vrai, les Spartiates. Et c'est hyper chaud, Marseille, en hockey. Ça, franchement, c'est à vivre. Je sais que c'est une grosse ambiance. Ouais, franchement, moi, j'ai été par pur hasard, j'ai été invité par un partenaire là-bas. Et franchement, c'est un mini vélodrome, très, très grosse ambiance, très familial. Donc, pareil, c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens de passage. Ouais. Ouais, c'est pas la première chose qu'on a en tête, mais rendez-vous à la patinoire du Plan Marseille pour kiffer sur un match. Le son qui tourne en boucle dans tes oreilles en ce moment, toi, c'est ? Ouais, un petit carnival de Kanye West, cette ambiance justement très un peu hooligan dans ouais, c'est bien, dans le truc, c'est bien un son de novembre, ça. Tu vois, genre les jeux sont plus courts. Ça se réchauffe avec les fumigènes, et même dimanche au final. Et alors, la question, c'est le meilleur repas post-MOE, mais le meilleur repas post-victoire de l'OM, c'est quoi ? Ah, c'est le kebab, hein, c'est ce kebab qui avant de rentrer à la maison, t'as mis KO, t'as fini ta soirée, en vrai. Trop cool. Merci Alex, en tout cas, d'être passé. Avec plaisir, on rappelle, merci à vous. Shop. N'hésitez pas à passer. Merci encore. Avec plaisir, merci à vous. Frangin, mon cœur est en pierre. Je portais ma sœur dans un cercle, mon frère sur une civière. Et même si je me noie, il me faut du liquide pour oublier que ma mère pleure des rivières. Oh ouais, j'ai la rage, en vrai je sais pas ce qui me sépare d'un animal. Je peux faire une faute, c'est pas grave, c'est rien, la deuxième c'est radical. L'amour c'est bien, c'est cool, ça occupe mais c'est pas vital. Non, c'est Marrakech, chérie, je suis connu dans les deux capitales. Les nuages dans le ghetto me font oublier l'été. Capuché parce que j'avais froid quand j'y étais. Toutes ces fois où je sortais, où ma mère s'inquiétait. Parce qu'on est criminel dans les yeux de la société. Un euro, dirham, dollar, même si ça m'emmène au cimetière. Il me faut du liquide pour oublier que ma mère pleure des rivières. J'essaie de t'aimer, mais dans le fond, j'en veux à moi, j'en veux à toi et au monde. J'essaie de t'aimer, mais dans le fond, j'en veux à moi, j'en veux à toi et au monde. J'sais pas pourquoi, j'sais pas comment, j'me suis retrouvé là entre la colombe et la violence. j'fais soyez dans l'ombre. Depuis j'suis habité par différents monstres. Un peu plus tard, j'suis pas poli, ils veulent me polir comme un diamant. J'fais le bien et j'oublie même quand tu me fais du mal consciemment. Avec mes frères, m'a du mal à rire, du mal à décoller. Fais comprendre à la concurrence qu'on est des montagnes et que c'est des collines. Oh maman, j'ai promis. Ah la la la la la, j'suis qu'un homme, je fais de mon mieux. Ah la la la la la, oh maman, j'ai promis. Ah la la la la la, j'suis qu'un homme, je fais de mon mieux. J'essaie d'aimer, mais dans le fond, j'en veux à moi, j'en veux à toi et au monde. J'essaie d'aimer, mais dans le fond, j'en veux à moi, j'en veux à toi et au monde. J'sais pas pourquoi, j'sais pas comment, j'me suis retrouvé là entre la colombe et la violence. Avant de voir la lumière, j'fais soyer dans l'ombre. Depuis j'suis habité par différents monstres. J'sais pas pourquoi. Je sais pas comment, je me suis retrouvé là entre la colombe et la violence. Avant de voir la lumière, je fais soyez dans l'ombre. Depuis je suis habité par différents monstres. Allez, on se retrouve pour cette ultime partie RCC Web Radio. Il est 19h59. Sur Marseille, peut-être 20h déjà à Paris, vous attaquez le dessert et nous, on a amené une pièce montée qui s'appelle Monsieur Baptiste Chassagne. Baptiste, énorme merci d'être ici avec nous. Avant de te laisser la parole, j'ai bossé quand même. Oh, eh oui. Pour une fois. Oui. 27 10 93, c'est de là qu'est sorti notre petit Baptiste Chassagne. Année toute particulière ici, puisque c'est l'année où l'étoile a été posée sur le maillot, pendant que la SSE faisait qu'une... maudite 7e place de L1. Je tenais à le rappeler quand même. Ouais. From City Kid, issu de la région entre Lyon et Saint-Etienne. Tout apprenti montagnard en Haute-Savoie. Ça me fait très plaisir à Combloux. Tu t'entraînes dans le massif du Mont-Blanc et on peut dire que tu as obtenu ton BTS, mention très bien, trop fort en tant qu'apprenti montagnard, je crois, obtenu depuis déjà quelques années. Ton moto, Bat, c'est... Enfin, ton moto. Ton T-Max, pardon, on est à Marseille. Ton T-Max, c'est moyen vite longtemps. De là vient ton amour inconditionnel pour l'ultra trail. Et si on regarde un petit peu la cote Argus de ce monsieur, eh ben tu verras du 912. Là, on n'est pas loin de l'ISS. Hein. Il y a Pesquet qui a appelé. Il sent que tu lui touches les orteils. L'effet d'armes, c'est une deuxième place à l'UTMB. C'était l'an passé. C'est aussi un titre de champion de France de trail long et plusieurs sélections en bleu, blanc, rouge. On peut dire que toi, la Marseillaise, tu la kiffes vraiment. Oui. C'est un truc viscéral. Et puis tout récemment, si vous n'aviez pas capté la 5G à cause d'une panne Free Mobile depuis plus d'un mois, eh bien ce monsieur-là vient de claquer le plus beau monument de sa toute jeune carrière avec une victoire sur la Diagonale des Fous en 23h31. Baptiste, merci d'être présent. Massilia, Léla, on peut le dire. Massilia, Léla. Merci beaucoup pour ce portrait très, trop élogieux. Merci de m'accueillir. Je suis hyper content d'être présent ici avec toi. Un petit bout de la maison, un petit comblerant comme moi et aussi, voilà, juste d'honorer l'invitation dans cette ville que j'adore. Voilà, avec une... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose ici que je ne saurais pas expliquer, qui se ressent depuis la ville, depuis les gens, et voilà, juste content d'être là parmi vous. C'est vrai que tu as une histoire toute particulière avec Marseille. Ce n'est pas la première fois que tu viens, mais il y a quand même quelques signes qui font que tu aimes bien Marseille. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives à Marseille que tu n'as pas dans les autres villes? On sait que tu étais par exemple à Paris là, la semaine dernière pour une tournée média. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives ici sur Marseille? C'est quelque chose d'assez impalpable. Je pense que ça ressemble à l'image que je me suis toujours fait de mon pays, si tu veux. Un pays qui est riche de diversité, riche de, je sais pas, d'une énergie un peu commune liée au fait que les gens sont connectés. Une forme d'effervescence aussi. C'est aussi une ville qui est proche de la nature, tu vois, avec un vrai contact à la mer, à l'océan, mais aussi, tu vois, aux montagnes, avec des massifs montagneux qui sont très proches. Donc, tu es un peu toujours entre les deux. Moi, j'ai des souvenirs de run dans les Calanques qui sont assez profondément ancrés. Donc, ouais, non, c'est une ville que que j'adore pour la petite anecdote, j'ai vécu pendant, enfin petite anecdote, pour la grosse parenthèse, j'ai vécu pendant 4-5 ans à la Guillotière, à Lyon, c'est un quartier pareil qui est très, qui est très très riche de diversité culturellement et pour moi, ben voilà, c'est ce que je retrouve à Marseille et c'est ce que j'aime. C'est d'ailleurs la seule ville, je pense, où je pourrais habiter à l'année, tu vois, lié au fait qu'il y a vraiment de la montagne à côté. C'est la proximité, ouais. Ouais, voilà. Ok. Et tu l'as qualifié comment, du coup, cette histoire d'amour? Il y a plus en plus de monde. Hey oh, les paparazzis, là, c'est fou. On ne peut plus être entre nous. On ne peut plus boire le café tranquille. Tu l'as qualifié comment, cette histoire d'amour avec Marseille? C'est un petit peu l'amourette de colo d'été, où genre tu reviens de temps en temps et... Ouais, c'est un peu le... Non, je dirais que c'est un peu l'escapade, tu vois. C'est un peu... L'adultère. Ouais. À Combloux. Ouais, c'est vrai. Non, restons sur des choses très positives qui ne me créeront pas de problème. Mais non, c'est un peu l'escapade de fin de saison. Ouais. Genre vraiment, c'est la ville où je viens avec les copains après... généralement, je viens après la Saint-Élion. Et vraiment, ça, je viens 2-3 week-ends après... Jamais pour courir et vraiment pour kiffer, tu vois, boire des bières courjus. On est déjà allé aussi aller se baigner à cette période de l'année, tu vois. Enfin, vraiment. Puis moi, j'aime beaucoup le rap, si tu veux, et j'ai été assez vite matrixé par toute la DA des clips de The Blaze, tu vois, Zamdan, Tiff, tout ça. Et du coup, ben, tu vois, j'ai l'impression de rentrer dans le clip quand je viens ici, donc, donc voilà, c'est cool. Ouais. Effectivement, on va parler de ton amour pour la musique, à la fois le rap, mais aussi la musique électro. C'est vrai que, est-ce que tu as pu un peu barouder et apprécier un petit peu les coins un petit peu? On sait que tu es à la recherche d'adresses un peu underground sur Marseille. C'est un petit peu. Je suis. Maintenant, je vais pas. Enfin, c'est pas une annonce pour ce soir, tu vois. Mais, non. Mais en fait, disons qu'à chaque fois que je suis venu, on a toujours été un peu frustrés de pas trouver un lieu vraiment établi où tu sais que de manière récurrente, tu vas pouvoir trouver. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir. Merci Grégo. Tu vas pouvoir en partager. On va pouvoir retrouver de manière récurrente, tu vois, une communauté. Tu sais que tu vas avoir un artiste qui va venir et globalement, tu vois, c'est plus événementialisé. Donc j'ai déjà fait des teufs au chapiteau, à la friche de la Belle de Mai. Mais voilà. Un souvenir marquant, quelque chose? Ouais, une soirée mémorable. Ouais, mais du coup, c'était en appart au Courjus. C'était une soirée déguisée avec une thématique autour de la lettre D. Voilà, avec les copains. Et on avait fini vraiment au petit matin. Et tu sais, un peu comme en ultra, t'as le côté, ouais, le jour se lève. T'as la joie du jour, peut-être du mec qui allait plus loin que les autres. T'as toujours le petit coup de mou à 4h du matin. Et en fait, non, t'as poussé. T'as un peu cette joie-là. Tu dis encore non, reste debout. Reste debout. Et du coup, la petite nostalgie, on est allé boire un café. Enfin, ouais, ça m'avait marqué. Je crois que c'était en 2019, après ma première Saint-Élion, le week-end d'après, 2019. Okay. Et en parlant de ce rap marseillais que tu as évoqué un petit peu, qui fait partie de la culture du rap français dans lequel tu kiffes ça, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier, une sonorité ou tu vois, quelque chose que tu ne retrouves pas dans le... Enfin, c'est facilement en comparaison, mais par rapport au rap parisien, tu vois, il y a peut-être cette gaieté. Ouais, il y a du soleil. Puis il y a un peu de mélancolie aussi. Ouais, de fou. Par moment, quand même. Complètement. Voilà, je ne vais vraiment pas faire l'expert du rap. Moi, juste, je suis juste passionné de ça. Et du coup, j'en parle en tant que passionné. Mais donc, de mon point de vue, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de fierté, de chauvinisme que tu ne retrouves pas ailleurs. Genre les rappeurs parisiens ou de la banlieue parisienne, ou même à Lyon, ou même dans d'autres villes, t'as pas cet attachement aussi fort. Et puis après, ça se ressent aussi, je trouve, dans la diversité, si tu veux, de la proposition, que ce soit l'ancienne, la nouvelle école. Enfin, je trouve qu'ils sont quand même toujours un peu à la pointe de... Genre, tu vois, il y a des trucs qui sortent d'ici. Genre, au début, ton oreille, elle te dit, ouais, c'est chelou, ce truc-là. Et puis, en mais fait, tu l'écoutes. Un peu, ouais, et puis tu l'écoutes, et en fait, ça te braque un peu ton système. Et en fait, tu dis, ah ouais, en fait, c'est cool. Et en fait, complètement pris, tu vois, ça m'a fait ça récemment et un peu à rebours de la mode de tout le monde avec Tiff. Tu sais, je comprenais pas au début et tout, j'écoutais une, deux fois, trois fois et tout, et en fait maintenant je suis matrixé. Et donc voilà, c'est un peu le la DA marseillaise. Et puis après, on y reviendra aussi par rapport au rap. Mais tu vois, c'est marrant, mais il y a un lien vraiment fort avec ce qu'a fait SCH quand il a construit son triptyque, tu vois, Julius. Mais moi, ça m'a grave inspiré en termes de carrière. Je me suis dit, bah, un athlète, c'est un peu comme un artiste, tu vois, qui a son premier album, celui de la révélation, le deuxième album, celui de la confirmation. C'était cette année, l'album de la confirmation. Et il dure encore 3 ans. Mais du coup, disons que le premier titre, il est cool. il y a une bonne l'intro. L'intro, t'as envie de rester. Voilà, l'intro est sympa. C'était pas forcément prévu, mais l'intro est sympa. Et après, t'as le troisième album, tu vois, qui est un peu celui de la transmission. Enfin bref, il y a tout un univers, tout ça. Quelque chose qui t'inspire. On parle des Julius, là, de toute cette saga, où c'est vraiment, on parle d'un album qui s'écoute du début à la fin, en entier, avec ses interludes. En fait, t'es presque dans de la comédie musicale, quoi. C'est quelque chose qui te parle, ça, dans le déroulé, dans le storytelling. On sait qu'aussi, tu as une agence de com et tu aimes bien cet aspect storytelling, travailler avec les marques, avec, par exemple, des athlètes aussi. Mathis Dumas, tu viens de publier un livre que tu as écrit sur Mathis, le guide de haute montagne. Ouais. Est-ce que ça touche cet aspect-là, justement? Complètement. C'est des albums qui sont comme des livres, si tu veux, avec plusieurs chapitres. Et tu peux pas... Enfin, du moins, tu perds un peu la substance si tu lis qu'un chapitre sans avoir écouté les autres au préalable. Donc non, ouais, ce côté vraiment œuvre globale, ça me parle. Et du coup, aussi, dans une œuvre globale, c'est un peu une sinusoïde, donc ça te laisse, t'es pas obligé de faire que des sons incroyables. Tu peux avoir un peu, enfin voilà, tu peux aller un peu, tu peux t'évader, tu peux avoir des hauts et des bas. Donc non, moi ça me parle vraiment, ce côté un peu plus consistant. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de un petit peu de cette patte et ce sentiment un petit peu de représenter Marseille, d'être viscéralement attaché à la ville. Il y a aussi un autre aspect, il y a l'aspect musique, mais aussi l'aspect sportif avec le football. Alors toi, tu es issu du Chaudron, mais est-ce que tu as déjà mis les pieds un peu au Vélodrome pour voir ce que ça donnait? Et toi, quelle est ta vision d'un point de vue d'un Stéphanois et d'un amoureux globalement d'un club? T'as ça vraiment en toi. Comment tu vois ce public marseillais qui est quand même à part aussi, on peut le dire? Bah, complètement, je le vois comme un modèle. On s'entend plutôt bien avec le public marseillais, parce que je crois qu'on a un ennemi en commun. Genre, on n'aime pas trop les Lyonnais. Et du coup, ça a fait que, généralement, ça se passe globalement plutôt bien entre nous. Après, ouais, le Vélodrome, j'ai jamais mis les pieds... Non, j'ai jamais mis les pieds au Vélodrome. Okay. Je pense que c'est un truc qu'il faut que je coche, clairement, en attendant peut-être un synthé Marseille ou quoi, voir un match de Ligue des Champions au Vélodrome. Non, mais clairement, en tout cas, c'est... Pour moi, c'est ce qui fait le aux armes, tu vois. Je pense que c'est un truc qui, moi, si j'étais au stade, ça me prendrait aux tripes. Donc non, ouais, la connexion... Enfin, en fait, globalement, Marseille, c'est la ville qui coche toutes mes passions. En plus, maintenant, ils se mettent au trail. Du coup, si tu veux, rap, foot, trail. Genre... Il y a toi un appart avant à Combes, ou peut-être? Non, on est trop attachés. Mais vraiment, je me suis posé des questions. Si je voulais habiter en ville, je pense que c'est vraiment la ville où je viendrais habiter. L'aspect également peut-être culturel, centre-ville. Là, on est dans le Café du Fort, qui est juste à côté du MUCEM, du Musée d'Art Contemporain. C'est quelque chose aussi qui est hyper important. On a l'aspect, on disait, les concerts, les expos, quelque chose qu'on retrouve moins là où tu habites maintenant. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'attire? Ouais, en ayant grandi à la ville, tu t'habitues à avoir une forme d'effervescence culturelle, tu vois, d'avoir un peu cette vie de village. J'ai un peu l'impression que tu as ça aussi à Marseille, comme c'est une ville qui est très étendue, avec des arrondissements très marqués. Tu as vraiment ce côté un peu vie de village pour chaque arrondissement. Et ça, c'est vrai que là où je vis, c'est un village à proprement parler, mais qui ne vit pas toute l'année, si tu veux. Donc, ce côté un peu facilité, proximité, où tu as une forme d'émulation, ébullition culturelle, ben, clairement, ça manque. Et c'est pour ça que je prends vraiment plaisir, tu vois, je pense comme toi, venir de temps à autre prendre un peu ton shot de... shot d'effervescence un peu. Et puis voilà. Ouais, par à-coup, c'est assez sympa. Tu y vas, tu prends ta dose un petit peu culturelle, un peu de brouhaha, ou tu l'as pas trop à Combloux, justement, et tu rentres à la maison et t'es en mode, ok, c'était bien, j'aime mon calme. Et t'as besoin d'y retourner un petit peu. Exactement, d'avoir un peu les deux, je pense que c'est un luxe. Et ouais, d'avoir un peu les deux extrêmes, c'est chaud. Et si on switch sur la partie, tu l'as dit, ça y est, ils viennent au trail, un petit peu nos Marseillais. Toi, t'es un enfant de la ville, on l'a dit, t'es un city qui est devenu apprenti montagnard, qui est devenu bientôt maître montagnard, hein, ça attaque gentiment. Je sais que vous êtes en train de bosser là au Postillon, qui est la base un petit peu. Vous bossez, vous avez le jury qui est au là QG, pour essayer, au QG, essayer de juger si oui ou non je passe d'aspirant à... Il peut passer en classe supérieure. Ouais, exactement. Mais du coup, toi, Quelle est ta vision sur ce qu'on va voir dimanche, ce MOE, ces trails urbains, qui sont quelque chose d'assez particulier, qui sont pour certains une première approche un petit peu dans le monde du trail, même si ça reste quand même une surface d'asphalte. Toi, est-ce que tu as débuté par ça? Est-ce que c'est des choses où tu aimes encore mettre les pieds? C'est vrai qu'on connaît ton amour inconditionnel pour la Saint-Élon, qui est finalement pas un trail urbain, mais qui est un trail sur... Course nature. Ouais, course nature, avec quand même des parties de bitume, et tu arrives au cœur de Lyon, donc ça a une saveur particulière de courir en ville. Complètement. Enfin, moi, tu vois, j'ai une affection toute particulière pour le trail urbain de Saint-Élon, qui a lieu généralement... Un mois avant la Saint-Élion, et c'est une course que je fais globalement tout le temps en prépa et qui a pour objectif justement de valoriser la ville via la course à pied. Et donc du coup, c'est une ville qui a 7 collines, et bref, le but de la course est un peu de relier cette colline. Donc si tu veux, voilà, j'ai toujours aimé ce côté utiliser ses baskets pour aller à la rencontre de la ville. Et là, comme on m'a vendu le parcours, comme on l'a présenté plus que vendu, bah, ça m'a donné trop envie. Tu vois, apparemment, on met vraiment en avant toute la diversité de Marseille. On va aller voir du coup la skyline, tout le côté un peu développement, parce que c'est quand même un hub économique, un port qui est porté sur la, enfin qui donne sur la Méditerranée, une ville en pleine expansion. Après, on va aller vers le Courjus, ou tu vois le cœur culturel. On va aller sur la Corniche, plutôt la dimension touristique. Tu vois, donc j'ai trop hâte, effectivement, de prendre mes baskets et avoir l'impression de rentrer, tu vois, dans la carte postale de Marseille. Sans les clichés, tu vois. Parce que je pense que c'est fait par des vrais et qu'ils ont envie de nous montrer leur vrai Marseille. Et du coup, j'ai envie de me pointer avec mon dossard et de suivre l'itinéraire qu'ils nous ont tracé. Parce qu'on peut l'annoncer, il y aura dossard. Ah, il y aura dossard. Là, je peux vous le décrire, mais je te le montre à toi. Déjà, je trouve que le dossard est très, très beau. Genre, Le numéro gagnant, c'est 2331. 2331. Tu sais à quoi ça fait référence, ou pas? Ça fait penser un peu au, tu sais, genre, si tu vas appeler le Père Noël, c'est 2331. Ou... Alors non, c'est même... Ouais, tu pourrais essayer. Mais non, c'est la petite attention, et ça m'a grave touché, c'est le chrono à la Diag. Ouais. Et du coup, voilà, ils m'ont imprimé un peu en dernière minute. Et bref, ça dit toute la bienveillance. C'est un petit symbole, mais ça dit toute la bienveillance de l'orga. Et ça fait que décupler mon envie de participer. Je paierai Greg, qui est un ami et mon manager aussi. Oui, tu rends un peu l'appareil aussi. Ouais, ou même la monnaie de sa pièce. Ah. J'ai prévu quelques surprises. Mais la pièce, elle est dorée par contre. Hein. Ouais. Elle était dorée à la Réunion, à la Redoute, il faut qu'elle soit dorée à la Major. Hein. Il est où, Greg? Il s'est chaud, il fait ses gaps, je pense. Ouais, je pense qu'il est en train de dormir, surtout là, il flippe. Ouais, Greg, qui est plus que ton manager, qui est un ami, qui est un proche, qui est un petit peu... Tu t'as tout dit, et c'est pour ça, tu vois, qu'on est présent ici à Marseille, genre un peu... Tu vois, on est venus tous les deux, on a vécu une année de zinzin, on était très entourés, et je pense qu'on avait besoin de se retrouver un peu tous les deux, et tu vois, comme je te disais que je venais avec mes potes en fin de saison, bah là, c'est un peu notre... On s'est dit, vas-y, viens, on va faire cette petite escapade marseillaise, un peu hors du temps, on était trop contents, et bref... Point final. Trois petits points avant dimanche. Effectivement. Et là, tu es accueilli sur cette web radio organisée par le RCC, Running Club Catalan. Ouais, alors petite anecdote, je pensais que c'était un club de foot qui réunissait les expatriés, tu vois, de Barcelone à Marseille. Et en fait, tu leur as donné un ballon et tu as bien vu que non. Non, exactement. Non, mais... Toi, quelle est ta vision justement sur cette. On parle beaucoup là depuis le début de cette radio de la croissance de ces crews, un petit peu ce running post-Covid, moi je l'appelle un petit peu, où il y a vraiment une mutation, tu vois, tu as un peu ce running tonton et tu as ce running un petit peu plus jeune qui nous parle peut-être plus à nous aussi. De fou. Mais les deux s'associent très bien. Mmh. Comment tu vois cette effervescence à Marseille? Toi, tu l'as peut-être moins connu sur les années lyonnaises, je pense que tu y étais, où c'était assez très fédéral, très club. Là, on a cet esprit des crews où ça amène une population différente aussi. Mmh. Ben ouais, t'as dit un mot, enfin, ça me fait venir une formule, c'est que c'est moins fédéral, mais c'est plus fédérateur. Je pense que c'est des crews qui ont vraiment toute leur place, tu vois, dans le paysage, du moins dans le développement de notre sport, parce qu'ils cochent tout plein de valeurs. Je pense que si le trail aujourd'hui a une hype, c'est parce que justement, il porte cette opportunité, si tu veux, de se reconnecter un petit peu à l'effort, à la nature, à l'autre aussi. Et je trouve que ces valeurs, elles sont portées, elles sont jamais aussi bien portées que par des crews comme le RCC. Et puis je trouve qu'il y a une petite touche aussi, tu vois. Enfin, c'est le sport que j'aime bien, tu vois. C'est le sport chambrage, c'est le sport des copains, c'est le sport sérieusement, mais sans se prendre la tête. Et donc voilà, moi je suis hyper fan de ce genre d'initiative. Et tu vois, ça me fait penser pourquoi on n'en montrait pas un à Combloux, tu vois. Par contre, on a déjà monté en fait. Ouais, il y en a déjà un qui est sur Chamonix. Ouais, c'est déjà sur Chamonix. Ouais, les amis de chez Amateur, mais c'est vrai que ça se décuple. Et il y a aussi ce truc de faire vivre la fête et ouais. Pas ce sport qui peut te paraître très individuel. Ramener aussi plein de copains. Toi, tu le vis sur l'expérience d'Ultra Trail ou c'est une aventure qui est vachement collective. Sport individuel, performance collective, ouais. Et eux, ils le retrouvent aussi à leur manière où ils se retrouvent, tu vois, une à deux fois semaine, ils font des déplacements ensemble. Sur des événements où ils créent aussi des cheer zones, si on en a de plus en plus. Tiens, on parlait d'un vélodrome. Est-ce que toi, ça te fait pas autant kiffer d'avoir des gens sur le bord d'un chemin qui sont prêts à donner de la voix et se donner à 1000% pour ce sport dont ils sont fans? Ah, mais de fou. Et c'est pour ça, en fait, t'as envie d'être membre de ce groupe de copains, tu vois. Et puis, moi, je cours pour vivre des émotions et en fait, elles sont jamais aussi fortes que quand soit elles sont partagées ou quand t'as cet esprit un peu ultra, tu vois. Et ouais, c'est ce que j'aime. En vrai, c'est ce que j'aime. C'est aussi ce côté. Et entre copains, ça fait les choses sérieusement. Tu vois, c'est hyper propre ce qui est fait. C'est fait en phase avec les bonnes valeurs par des gens dont tu sens que la passion elle est saine, mais en même temps tu sens qu'il y a du travail. Je sais pas. Moi, c'est comme Marseille. Tu vois, c'est un peu impalpable les ondes. Bah là, j'ai un peu du mal à le décrire, mais juste je kiffe. Tu vois. T'es là en full détente, juste pour te faire kiffer. Ouais. Et puis aussi, tu vois, si je peux donner de la force, c'est cool. Comme tu dis, ils sont là pour t'encourager sur les chemins. Et si tu peux donner de la force, toi, enfin, si je peux donner de la force à mon tour, tu vois, en mettant en avant ce genre d'initiative, ce genre de crew et tout, ben, c'est cool. Et c'est quelque chose, tu as toujours eu ce fait de. Alors, tu es athlète professionnel, tu as quand même un devoir de montrer sur des courses qui ont les projecteurs un peu sur elles. Mais tu as aussi cet attachement à ce trail saucisson, je ne le dis pas du tout d'un point de vue péjoratif et je trouve ça hyper beau. J'ai fait un cours de média training où on m'a dit il ne faut pas dire trail saucisson, il faut dire trail authentique. Moi je dis trail PMU, je trouve que ça c'est encore mieux. T'as raison de fou. Et PMU. Le fait de rendre l'appareil et d'être aussi moteur, soit tu vas le courir, soit tu vas donner de ton temps, de l'énergie à ces choses-là. Est-ce que tu as envie de garder cette essence un petit peu de ce sport dont souvent c'est la porte d'entrée, c'est le trail du village où tu kiffes aller le faire. Tu vois, nous on a la Combloran qui réunit aujourd'hui des top athlètes, mais qui est une course où tu arrives, tu prends le barbecue. Ouais. C'est quelque chose qui continue de t'attirer et t'animer malgré le fait d'avoir une dimension professionnelle. Ouais, je pense que c'est même notre mission en tant qu'athlète professionnel et en tant qu'acteur un peu visible de ce monde-là, de rester connecté à d'où l'on vient, tu vois. C'est-à-dire que c'est à nous de déterminer où l'on va, mais sans jamais oublier justement un petit peu ses racines. Et en fait, ce qui fait vraiment le charme et le sel de notre sport, c'est ça. C'est ce côté populaire, accessible. On prend tous la même ligne de départ. Et à la fin, on a tous les mêmes endorphines, les mêmes courbatures. Et on se retrouve tous autour de la même mauresque, de la même saucisse, de la même glace, tu vois, enfin bref. Et je pense que c'est notre mission vraiment en tant qu'athlète pro, de bien ancrer ces valeurs-là pour pas que, justement, quand le sport se développe, on les oublie. Est-ce qu'on parle d'esprit trail? C'est dangereux, terrain glissant. Ah, oh, moi j'en parle. Hein. T'es en phase avec l'esprit trail? Bah ouais. Allez. Pas toi. Si, mais c'est un thème qui est un peu fourre-tout maintenant. Tu vois, l'esprit trail, il est, il est mouvant, quoi. Ouais, mais après, je pense que chacun le définit un petit peu comme il le souhaite. Et globalement, pour moi, c'est positif, tu vois. Chacun le définit comme il veut, mais généralement, chacun a une définition qui est plutôt bonne. Mais cette transition, tu vois, où c'était un sport de niche, c'est devenu un sport populaire et c'est en train de devenir un sport de masse. On est dans ce spectre qui évolue. Tu le vois de plus en plus. Bah, preuve en est, c'est toi qui en étais la figure, mais un trailer sur un plateau Stade 2, qui est genre l'émission référence du sport en France. Ça montre aussi que ce sport, il est connu, plus en plus de pratiquants. Ouais. Toi, comment tu vois cette évolution-là et est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu t'en parlais? Il faut garder quand même les pieds sur terre et ses racines, tu vois, les garder fortes pour que l'arbre il continue de grossir. Ouais, complètement. C'est paradoxal parce que à la fois on veut être un sport populaire, mais un sport de niche, donc on veut être accessible, mais pas trop. Donc, tu vois, c'est comment être un sport accessible tout en étant un sport de masse, comme tu dis. Et je pense que là, effectivement, c'est un peu... Enfin, pour moi, en fait, le sport, il est au niveau de sa crise d'adolescence. Tu vois, c'est un peu genre en mode, t'as fait ton enfance tout bien et tout, tu vas bientôt être adulte, mais... On se cherche. Genre, et tu vois, forcément, tu vas faire des moves où parfois, c'est pas les bons, mais en même temps, c'est en trébuchant que t'apprends. Tu te construis, tu définis qui t'es. Enfin, moi, je trouve t'engueules avec tes parents. Je t'engueule de fou avec tes... T'engueules avec les politis, par exemple, ou les darons du game, tu vois. Mais t'avances, et je trouve que genre, c'est la meilleure période. Enfin, nous, en tant qu'acteurs, toi comme moi, c'est le meilleur moment, parce que c'est le moment le plus exaltant. C'est le moment où on a le vent en poupe, mais en même temps, on est à la base, c'est là où on pose les fondations, donc c'est trop exaltant. Et je pense qu'on est des privilégiés de vivre un peu... C'est un peu l'âge d'or, tu vois. C'est un peu comme quand nous, on dira... Tu vois, l'ancienne école, elle est un peu là. Et je pense que dans 10-15 ans, ce sera un peu la nouvelle école. Et on a la chance d'être... Oui, puis maintenant, l'offre est tellement diverse que tu peux mettre l'énergie où tu le souhaites, en fait. Tu vois, si tu veux rentrer dans un circuit privé très professionnel, tu peux y aller. Et à la manière de ce qui est devenu le triathlon, on a l'image de ce qui est devenu le triathlon, qui est un sport très cadré maintenant. Tu peux te donner des ambitions et donner de l'énergie là-dedans, et tu peux garder cet esprit trail authentique en disant ben, et mélanger les deux. C'est ça qui est hyper cool, c'est qu'en fait aujourd'hui t'as champ libre où tu peux prendre la sortie à gauche, la sortie à droite, et tu peux mélanger un petit peu ces routes là et c'est hyper cool. Ça c'est incroyable. Il y a pas une seule voie, même toi quand t'es professionnel, je pense que t'as une certaine liberté, je peux te donner malgré quelques dates clés. Ouais, exactement. Bah, je peux donner un exemple concret, c'est que moi, mon objectif de l'année prochaine, enfin, l'objectif numéro un, ce sera... La Comblant. Sera... J'ai failli trébucher. Ce sera l'UTMB. Mais pour préparer l'UTMB, je vais aller à une course, tu vois, locale, qui est la Comblorane, la course de chez moi, parce que c'est ça que j'adore. Si tu veux prendre, tu vois, avant les mondiaux, qui était mon objectif principal, où là, effectivement, t'es entouré de tous les meilleurs... Tous les meilleurs coureurs du planisphère. Et trois semaines avant, j'ai pris une petite course de prépa et j'ai pris un plaisir monstre à, tu vois, m'aligner sur le trail de Sercheux, genre limite à être un petit peu en retard au départ. J'ai tout fait moi-même, tu vois, j'avais pas de crew, pas d'assistance. Peut-être en simplicité, tu vas en montagne et genre tu vas d'un point A à un point B et tu fais ça tout seul, tu vois. Il y a une forme de fierté d'avoir cette autonomie-là, de pouvoir un peu crapahuter vite en montagne. Et je trouve ça connecté de fou. Je suis ressorti de cette course de prépa. Je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça que j'aime. Enfin, c'est l'insouciance du début que tu essayes de garder un petit peu. Ouais, la magie, exactement. Exactement. C'est très fort. Enfin, c'est très fort ce que tu vis sur ces petites courses de village. Trop bien. Bon, on te souhaite en tout cas la même chose sur le MO, où je pense que tu vas vibrer, tu vas vraiment kiffer. Tu vas dans une démarche, pas forcément de performance, pour donner... Donner de la force, et tu vas vraiment kiffer, parce que tous ceux qui sont venus sur l'édition 1, beaucoup sont revenus en l'édition 2 avec des magnifiques paysages. Il y aura du monde sur le bord du parcours, ça c'est très cool. Qu'est-ce qui t'attend sur ce week-end Marseille? C'est quoi un petit peu le programme pour toi? Eh ben, donc là, ce petit podcast, ce petit en échange très sympa avec toi, boire un petit verre avec tout le monde. Là, ensuite, on va aller au resto avec Greg, tous les deux. Genre, on va prendre un temps. Petit date, ouais, de fou. Match est sorti Tinder, arrivé à la gare. Exactement. Avec le jeune prometteur. Demain, un run collectif. Qui a été rempli à vitesse grand V. Ah ouais, bah, et après, trop bien. Et après, on se voit une conférence. On va pas parler conférence. Je l'ai appelé le Bat Talk Chassagne. Oh, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de la Diag, de performance. Je voulais pas parler trop sport aujourd'hui. Enfin, en tout cas, directement lié à toi. Je voulais parler de Marseille et son écosystème. Et ben, demain, on fera une bonne heure où on parlera un peu plus de toi. Mais c'est un peu... T'es dans ton parcours médiatique aussi, post-Diag. C'est cool aussi de... Enfin, moi, tu vois, je me sens vraiment ultra privilégié de ce qui m'arrive. Et je serai jamais lassé de... Enfin, si, je suis pas très à l'aise à tout le temps parler de moi, mais je serai jamais lassé de... partager, essayer de donner des clés. Donc, tu vois, je me projette vers ce petit échange avec beaucoup d'enthousiasme. Et après, l'après-midi, tranquille, parce que faudra que le jeune poulain, il aille mettre les pattes en l'air pour le départ à 3-0-0, ligne droite, dimanche matin, de fou. Voilà, c'est le programme. Cool. Et après, retour dans la yacht. Allez, pour hiberner. Pas tout de suite. Là, tu vois, je suis un peu dans cette démarche de comment on capitalise sans surcommuniquer, c'est dur. Tu vois, parce que ça n'arrive pas tous les jours de gagner la Diag. Donc comment j'arrive à cranter moi en tant qu'athlète, mais aussi à faire passer un cap, à aider au développement de notre discipline. Donc encore 2-3 semaines un peu intense. Et ça, vous l'avez très bien travaillé avec Greg. Et une fois, tu m'avais dit il y a quelques années, c'est il faut arriver à rendre rare sa parole pour qu'elle ait de la valeur. Et ça, je pense que tu es en plein dedans aujourd'hui où tu es appelé de partout et arriver à justement distiller un petit peu cette parole-là où, au bout d'un moment, bah, c'est un peu comme la mode. Si on t'entend trop, tu vois, tu te lasses. Ah, complètement. Moi, c'est ma plus grande peur, c'est de lasser un peu les gens, tu vois. Donc, raréfier pour qualifier. Et du coup, ben, ça me permet aussi, tu vois, de me dire, bon, bah là, j'ai de l'enthousiasme à faire cet exercice, à donner de la force au RCC et à l'événement ce soir. Parce que j'ai pas enchaîné trois... Enfin, tu vois, je fais pas ça avec tout le monde. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah si je le fais une fois, je peux mettre vraiment un bloc d'énergie. Donc, raréfier pour qualifier. Et, tu vois, c'est pour ça qu'après cette petite tournée médiatique... altruiste, parce qu'elle vise à développer mon sport, je vais me taire et je vais retourner m'entraîner avec les copains et on se retrouvera sur la verticale de l'épaule, voilà, au Châtry, tu connais, à 8h du matin, le deuxième album en studio. Complètement, le deuxième son du deuxième album. Allez. Trop bien, merci Baptiste en tout cas d'être venu, ça fait énormément plaisir d'avoir tout le public marseillais qui est là, qui est hyper heureux de te recevoir, de t'accueillir ici pour ta première grande sortie post-diag au final. Complètement. Donc c'est hyper cool de t'avoir. J'ai pas fait plus de 12 bornes et en vrai, tu vois, quand je cours à 15 km/h, je suis quasiment au seuil. C'est pour te dire le niveau de comment le corps il oublie. Donc potentiellement dimanche, vous allez pouvoir doubler Baptiste Chassagne. Ah mais allez-y avec grand plaisir. Prenez des selfies. J'ai fait sauter Chassagne. De fou. Moi j'adore le chambrage. On termine par la dernière rubrique de Massilia Mabel. C'est les questions coup de flingue. Bon. On y va. Le lieu dont tu ne te lasses pas sur Marseille. Je viens pas assez régulièrement pour avoir une réponse, mais en tout cas il y a un lieu que j'adore venir, c'est le Courjus. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais quand t'es un montagnard, en fait, tu t'émerveilles de voir autant de gens. Ouais, exactement, d'avoir une effervescence. Puis même ce côté un peu street art. Tu vois, tu sens que c'est le poumon culturel de la ville, toutes les fripes, tous les petits magasins sympas. Enfin bref, moi j'adore, je me lasse pas de passer un peu de temps là-bas. Trop cool. Et si tu devais dire un petit comblant, tu peux pas quitter Marseille sans passer par... Sans passer par les Calanques. Ouais. Non, en vrai... Un petit run dans les Calanques. Ah ouais. Puis même, je pense vraiment que tu peux, même un athlète de haut niveau, tu peux venir préparer des courses. Tu vois, si t'as une course un peu tôt dans la saison, un peu technique et tout, tu vois, si je repréparais une diag, je pense que je reviendrais courir sans bâton dans les Calanques pour un peu travailler la chaleur et tout ça. Ouais, c'est un bon lieu, effectivement, pour simuler les conditions. Le son qui tourne en boucle en ce moment pour toi, ou plutôt, attends, on va changer. Le son qui représente le mieux Marseille. Wow. Quand tu penses à Marseille, un son. Il y en a plein. Il y a un petit Zamdan, ça va. À l'époque, au tout début, forcément, c'était les sons d'Ayam, tu vois. Ouais. Donc, l'école du micro d'argent, Revoir un printemps, les choses comme ça. L'AFF aussi, j'aimais beaucoup. Mmh. Et genre, tu sais, quand il y a eu la crise d'ado, forcément, l'album des psychiatres. Donc, ça, c'était avant. Et puis maintenant, ce qui tourne en boucle, c'est Zamdan. Mais pas le dernier album. Solsad 2024. Ouais. Wow, lui, je l'ai poncé de fou. Et comme je te dis, là, dernièrement, je suis matrixé par Tiff, que je me suis mis en boucle. Et maintenant, mais le live surtout. Notamment le son Mathusalem qu'avec Rose, ma copine, on ponce quasiment, qu'on écoute chaque jour. Tu vois. C'est le replay du moment. C'est le replay du moment. Et enfin, le meilleur repas post-MOE pour fêter la victoire en master de Greg Jacquet sur le 21. On y va ce soir, nous on fête avant. Parce ah ouais, on est très le mec est optimisé quoi. Ouais. Il fête sa victoire avant. Bien sûr. Non, on va préparer justement. Et tu sais, c'est les pizzas marseillaises. Tu sais, les pizzas très simples, tomates avec anchois et tout. Et juste à côté, on mangeait une. Trop bien. Ça va être cool. Bon, voilà. Bah si ça ressort dimanche pendant la course, on va remercier Bat. Ouais. Merci Baptiste pour ta présence merci sur cette RCC Web Radio. Merci au Running Club Catalan. Merci tout le monde pour l'orga. On remercie tout le monde. Et on va mettre le petit son de Baptiste et ensuite on clôture cette RCC Web Radio. On a choisi Monstre de Zamdan. Trop bien. C'est mon classique. Préféré. Ouais. Préféré. Merci Baptiste. On se retrouve demain matin pour le run. Il est complet. On aura également la conférence et sinon, sur la ligne de départ et d'arrivée, tu traîneras un petit peu sur la major dimanche. Je vais même traîner sur la course, je ne pense pas qu'on va aller bien vite. Merci Baptiste pour tout, merci pour ce temps d'échange. Merci. Voilà, voilà. Juste avant de mettre la magnifique musique, j'aimerais remercier Alexis déjà pour cette première live radio. Merci à tous les auditeurs de cette web radio. Franchement, c'était hyper cool. On a eu des invités de dingue. Baptiste, merci à toi. C'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Dans cette bonne ambiance détente, Marseille, de parler football, tout ce qu'on aime. Et merci à toi. Comme il a dit, Alexis, la connexion, elle est là. La connexion est là et on espère qu'on va la garder. Et il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, merci en tout cas à tous pour ce premier volet. Merci au Studio Bounce aussi de nous avoir masterisé tout ça et d'être présent pour tout le live. Donc, merci à vous. Et on se retrouve bientôt, le RCC Radio, parce que c'est pas fini. On va faire des belles choses. Allez, l'OM. Ciao. Je pense à mes bros qui sont partis au ballon, ça patine des cantines en tontine. Dans le bâtiment, j'en ai trop fait, j'attends pas la pluie pour les sauver, les trophées. Ça sent la merde dans nos vies, je l'ai trop dit. Même là, ce poids, elle sait qu'on est maudit. On ressort des taudis en bandit. Présent dans les temps durs, je crois que c'est le tamasque à noircir ma peau. Quand c'est les démons qui te font les écarts, je faisais pas tes miniques à la base. Ils parlent de la rue mais n'ont pas vu le quart. Je préfère la fumée de la chope que la poix. Y'a pas l'entrée, on va péter le toit. Testa en noix, tu me croises. Quand ça dérape, on est souvent à droite. Je prends la file de gauche, j'accélère côté droitier. C'est la rue, je mets l'insulte sans les pointillés. Grosse bitch, je vais crimer à Poitiers. Dans le zard, je me déplace pour un gros billet. On n'a pas d'argent, mais on bande sa mère. Dans ma vision, je vois plus qu'un lourd. Je reçois des appels constamment. Ils voient peut-être que c'est nous, Stanis. La French pour moi. Ouais. C'est la French pour moi. A frauder le puce et des fraudes de talent. On a frauder le puce et des fraudes de talent. Donne-nous l'occasion, on va pas louper. Mais c'est des jaloux. T'as pas vu leur vision et jaloux. C'est des fraudes de talent. Donne-nous l'occasion, on va pas louper. Mais c'est des jaloux. T'as pas vu leur vision et jaloux. Faute de talent, eh. Donne-nous l'occasion, on va pas louper. Eux c'est des jaloux. T'as pas vu leur vision et jaloux. C'est des fraudes de talent, eh. Donne-nous l'occasion, on va pas louper. Eux c'est des jaloux. T'as pas vu leur vision et jaloux.